Si tu veux, je peux même dessiner le logo du PSG au milieu du terrain. Français, D'accord. j'avais des Russes, j'avais des Allemands, j'avais des Roumains, Incroyable. j'avais des Espagnols, j'avais des Chinois. Et venez jouer au foot. Et le seul langage qui, le seul moment où on se comprenait tous, Body language. c'était sur le foot. Mais qui pourrait bien avoir envie de dessiner le logo du PSG sur un terrain de football? C'est à travers cette anecdote que je vous invite à la rencontre d'une nouvelle histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Footballagogie. En fonction de votre lieu d'habitation sur notre très chère planète, en fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter cet épisode, mes salutations devraient une nouvelle fois convenir à toutes les oreilles. Partage, bienveillance, adaptabilité, transparence, voici quelques modestes valeurs que nous avons découvertes en commun durant cet épisode avec Adrien. Une nouvelle fois, je ne le présenterai pas, il le fera beaucoup mieux que moi. Je peux notamment vous signaler qu'à travers une riche expérience, notamment celle qui le mènera à l'Académie du PSG, nous envolerons depuis Charles de Gaulle au Canada, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis, entre autres. Autant vous dire que depuis là où vous êtes en période de déconfinement, que ce soit dans votre voiture, dans votre canapé ou même dans votre cuisine, j'espère vous prendre par la main et vous faire voyager avec nous. Je vous souhaite une excellente écoute. Ouais, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends parfaitement. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends super bien aussi. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que déjà tu vas bien? Ouais, écoute, ça va. Ouais. Ça va, hein. Toujours en arrêt. Je pose les premières questions. Ouais, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Non, je disais, ouais, non, ça va, ça va. Là, ils ont tout fermé à partir d'aujourd'hui, là. Parce D'accord. que les restos étaient encore ouverts, donc là, ils ont fermé tous les restos, tous les D'accord. centres commerciaux. Donc là, ça va devenir un peu plus compliqué pour la population, j'imagine. Ouais. Je te pose les petites questions de base là comme ça. Est-ce que tu es sous batterie? Est-ce que tu as de la batterie un peu sur le média ce que le par lequel tu enfin le média que tu utilises? Ouais, j'ai de la Ouais. batterie. OK. N'hésite pas si jamais durant l'échange tu veux faire une pause ou si jamais tu veux manger un truc, si jamais tu veux aller boire, il y a aucun souci hein. Ok, ça marche. N'hésite surtout pas, je ferai le montage et tout, je couperai ou ouais, je m'adapterai. T'as combien de temps devant toi? J'ai tout le temps que tu veux. Ah là là, hey, j'aime trop entendre ça en ce moment, c'est le feu. Ouais, non, je pense que j'ai beaucoup de questions à te poser, donc ça va être. Merci pour le partage du compte LinkedIn, comme ça me permet d'avoir un petit repère de ce que tu as fait. J'en avais conscience, mais je me rendais pas compte à ce moment-là quand même, il y a beaucoup de choses. Ah, écoute, on a vadrouillé un peu. Ouais. Donc, non, tu vas me raconter ça. Adrien, je te dis salut. Bienvenue sur le podcast que je suis en train de créer. Merci à toi pour l'invitation. Comme je l'ai déjà mentionné sur les différents échanges que j'ai eus, je ne sais pas qui va écouter ce podcast. Peut-être qu'il y aura des gens que tu connais, peut-être qu'il y aura des gens que je connais, peut-être qu'on aura des gens en commun qui te connaissent déjà. Et la première question que j'aimerais te poser afin d'introduire, c'est si jamais il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, comment tu te présenterais? Écoute, bon, Adrien, 28 ans, bientôt 29, d'ici quelques semaines. Ça fait maintenant, allez, peut-être plus d'une dizaine d'années que j'ai commencé en tant qu'éducateur. Donc j'ai grandi sur Paris, dans le 15e arrondissement. J'y ai passé quasiment toute ma vie. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Passionné de football depuis tout petit, hein, depuis l'âge de 5-6 ans. Ben voilà, si je dois me présenter assez brièvement, comment je le ferais? Moi, ça me va. Merci. Il n'y a vraiment pas de réponse parfaite tout au long de cet échange et c'est toute la générosité dont tu feras part me sera parfaite. Déjà, c'est cool. Tu parles de passion et moi, j'ai envie d'aborder tout de suite ce sujet. Est-ce que tu serais capable de nous partager? Quels sont les premiers souvenirs, les premiers repères, et plutôt à quel moment Tu considères que ta vie d'éducateur, ta vie d'entraîneur a commencé? Alors, ma vie d'éducateur-entraîneur a commencé à l'âge de 14 ans, si je te dis pas de bêtises. À l'époque, je jouais au PUC, en 13e. C'était mon premier club, formateur. D'accord. J'y ai joué de 7 ans à, de 7 à 15, à 16 ans. Maillot violet. Voilà, j'étais déjà très fan de la FIO. Ah ouais, j'allais dire ça, maillot violet et blanc. C'est ça. Violet, blanc, les équipes qui jouent en violet. Ouais. Donc, ouais, ça a commencé là-bas, à l'âge de 14 ans. Ça doit être Baptiste Tota, ça. Ça doit être Gabriel Baptiste Tota. Ouais, exactement. Gabigol, c'était quelqu'un. Ouais. Les plus jeunes qui nous écoutent ne savent pas qui c'est. Mais... Justement, je voulais en parler. Ouais. Non, bref, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et je te disais, ouais, donc voilà, vers l'âge de 14 ans, où on avait besoin d'un peu d'argent. Et puis le club nous avait proposé de filer un coup de main sur les plateaux débutants à l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai tout de suite apprécié. Puis derrière, on m'a demandé d'être présent sur la section loisirs au PUC. Donc c'était que sur des entraînements, le mercredi après-midi. Et c'est là où j'ai commencé à toucher un peu au rôle d'éducateur. Et après ça, ben, je me suis pas arrêté. D'accord. Je me suis pas arrêté. À ce moment-là, comment ça se passe? Tu as 14 ans, t'entraînes des enfants de quel âge? Qui prépare les séances et comment t'interviens? Je préparais pas les séances. D'accord. Je préparais pas les séances. On arrivait, il y avait un responsable de catégorie qui était présent. Donc j'étais à l'époque c'était les poussins. C'était les poussins, donc c'est U10-U11, c'est de U10-U11 d'aujourd'hui. J'ai commencé sur des poussins et des benjamins. Donc autant te dire que la différence d'âge était pas très énorme. Ouais, effectivement. Je devais avoir 3-4 ans maximum quand j'étais sur les benjamins. Ouais, pas évident. J'avais 2 ans. Tu vois, donc c'est assez particulier. Mais non, je t'ai dit, voilà, c'est eux qui mettaient en place la séance. Et puis nous, derrière, on se retrouvait avant l'entraînement. On faisait un point sur les ateliers du jour et on animait un atelier durant toute la pratique. Et ouais, comme je dis, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Tu te souviens un peu des premières émotions, des premières difficultés, des premières satisfactions que ça crée Alors, à cette époque-là, honnêtement, je vais pas te mentir, j'avais aucune. Je sentais pas de difficulté. Tu vois, je suis arrivé. Et j'étais juste vraiment dans le... Dans ton bain. Bah, dans de l'animation, en fait, tu vois. Dans de l'animation pure et dure, faire jouer les autres. Et tu sais, c'est limite, je me mettais un peu moi-même en position de joueur, en fait. Si j'animais un atelier que bah, moi-même, j'avais envie de faire. Donc, j'avais pas encore ces notions de difficulté, de se dire, voilà, là, il y a des critères, etc., etc. À l'époque, je trouve qu'au niveau de la pédale, elle n'était pas aussi détaillée qu'elle l'est aujourd'hui. Honnêtement, les émotions, c'était vraiment que du plaisir. J'étais sur du loisir en même temps aussi, tu vois. Donc, c'était vraiment uniquement dans la recherche du plaisir pour les plus jeunes, en fait. D'accord, ok. Tu te mets à la place du jeune et puis tu essaies de transmettre ce que toi t'aurais voulu recevoir ou quelque chose avec lequel t'es sensible. Ouais, exactement. Mmh. T'es là, tu sais que, voilà, là, je suis bêtise, t'as un jeu sous forme de slalom, on va dire. Il y a de la compète, il y a une course. Au final, voilà, t'es juste dans de l'animation à pousser tes camarades. En plus, à cette époque-là, je me souviens, quand je jouais au PUC, j'étais capitaine, donc j'étais beaucoup dans la voix. J'essayais de mettre un maximum de voix aussi. Donc au final, j'étais à la fois éducateur, mais à la fois joueur. Tu sais, j'avais l'impression d'être là et juste de pousser des camarades, des plus jeunes que moi, à faire ce qu'il fallait faire. Tu t'as parlé de rémunération à ce moment-là? À cette époque-là, on nous donnait, je ne te dis pas de bêtises, on devait nous donner 20 euros par séance, je crois. D'accord, ok. C'est cool. C'est cool. Bah, tu sais, quand tu as 14-15 ans, on te donne 20 euros par séance, ça te fait, tu vois, ça te fait ton petit 80 euros à la fin du mois. C'est énorme. Ah, Non, tu vois, c'était, ouais. C'était top, tu vois. Bien sûr, bien sûr, ok. Alors qu'au départ, quand j'ai commencé, que je faisais que des plateaux, on prenait 20 euros par mois à cette époque-là, tu vois. D'accord, ok. Donc là, ouais, à ce moment des plateaux, pas forcément de match, juste venir sur les séances, encadrer sur la partie loisirs. Exactement. D'accord. Exactement. Okay. C'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Et ben, à ce moment-là, bon, peut-être que ça date. Hein. C'est là, je pose des questions qui datent. C'est pas évident. Déjà, je vois que les souvenirs sont encore présents. Donc, il y a sûrement eu quelques émotions. Comment, à ce moment-là, tu te formes? Comment tu fais pour progresser? Est-ce que tu sens que c'est une prise d'initiative personnelle et puis tu vas nous raconter un peu comment tu t'y prends, ou tu sens que t'es un peu t'as un mentor et puis qui te guide et puis qui t'accompagne et puis qui te fait des feedbacks pour progresser? Alors à cette époque-là, comment ça se passait? Alors parmi les éducateurs qui étaient présents avec moi, c'était les éducateurs que j'avais eu quand j'ai commencé au PUC. D'accord. Donc, j'avais commencé à l'âge de 7, à 7 ans, j'avais commencé. 7 ans plus tard, je me retrouve avec eux dans un vestiaire où on échange. Au final, j'étais plus dans l'observation, tu vois. J'essayais de me rappeler comment eux procédaient lors des séances d'entraînement. Et puis, quand j'ai commencé à coacher, j'observais aussi beaucoup comment eux géraient les choses à ce moment-là, tu vois. Parce que j'étais plus acteur en tant que joueur. Là, je devais être acteur en tant qu'éducateur, donc. C'était une autre approche. Donc, j'étais beaucoup dans l'observation. Voilà, donc, je regardais un peu comment eux, ils faisaient. Et puis, j'essayais de reproduire réellement ce que je pouvais voir, en fait. D'accord. OK. J'étais pas encore dans cette recherche de me dire je veux être éducateur. Je le faisais parce que c'était un moyen de se faire un peu d'argent aussi. Et puis, j'aimais bien ça. Puis, ça me permettait aussi, comme je le faisais avec d'autres coéquipiers, ça nous permettait de passer encore du temps ensemble. C'est-à-dire qu'on passait beaucoup de temps ensemble, mais on permettait encore de passer beaucoup, encore du temps ensemble. Et c'était cool parce qu'on était vraiment une très bande de potes, pardon. Mais comme je t'ai dit, je n'étais pas dans une recherche de me dire, je veux progresser en tant qu'éducateur. À cette époque-là, c'était vraiment, j'y viens, je prends du plaisir avec les petits, j'observe un peu comment ça marche. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Comme ça que j'ai commencé, on va dire. Ok, parce que vous étiez quoi, plusieurs membres d'une même équipe, peut-être U14, U15 à être entraîner les petits? C'est ça, on devait être trois, il me semble. Ouais, je comprends. Trois jeunes éduques. Ah, ça marche souvent comme ça, ouais. Et on était tout le temps ensemble, en fait. Et ça part essentiellement de... Est-ce que ça part de ton entraîneur actuel, à ce moment-là? C'est lui qui vous invite un peu? Ça part du responsable école de foot. Ah, d'accord, ok. Ça part du responsable école de foot qui lui aussi nous connaissait depuis qu'on était tout petit. Mmh. Et puis qui a sollicité certains joueurs. Et nous, on s'est dit, allez, on y va. Tu penses qu'à ce moment-là, il fait ça parce qu'il y a un besoin, ou parce qu'il y a une idée de créer une philosophie de club et puis d'incorporer des jeunes dans la formation des plus jeunes? Je pense qu'à ce moment-là, il y a un besoin. Pense qu'il y a plus un besoin à ce moment-là. Parce que de mémoire, à l'époque, on était au PUC, il n'y avait pas forcément encore un plan détaillé, on va dire, sur le club. Mais c'était très familial, en fait. D'accord. C'est très familial, puisque quand tu regardais, tu avais beaucoup d'éducateurs qui étaient d'anciens joueurs, qui avaient joué même très très jeune au PUC, et puis qui un jour sont revenus et pour être éducateur, tu vois. Donc, c'était un cercle vertueux, on va dire, où les gens passaient en tant que joueurs, à un moment donné, partaient à droite ou à gauche, mais allaient revenir en tant qu'éducateur parce qu'ils savaient que c'était la maison. D'accord, ok. Et dans ce cheminement-là, je pense que tu vas t'en souvenir un peu plus, là, on progresse. À quel moment arrivent les premières formations, les premiers vraiment où tu vas chercher du contenu? Et ce qui m'intéresse, justement, avant de répondre à cette question, moi, ce qui m'intéresse, c'est... elle est difficile, cette question, mais je vais quand même la poser. C'est est-ce que tu te souviens au moment où tu commences à passer tes premières formations, donc en même temps, t'entraînes certains groupes, t'entraînes des jeunes. Quels sont les premiers principes que tu as, la première philosophie que tu as? Quelles sont les premières idées que tu veux mettre en place dans tes séances et dans tes matchs? Pourquoi je pose cette question? Parce que peut-être par la suite, on abordera sûrement là, ce que tu fais actuellement et on verra si justement il y a des choses ont un peu changé, un peu évolué à ce niveau-là. Mmh. Écoute, première formation, il me semble que c'est 2009. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire un an de coaching au PUC. Ensuite, après ça, je suis parti jouer au FC ici. Ok, ici les Moulineaux. Ouais. Voilà, ah, ici les Moulineaux. On est toujours en région parisienne. Toujours en région parisienne. Et en fait, en arrivant au FC ici, je reprends pas mon rôle d'éducateur tout de suite. D'accord. Je suis dans un nouveau club, je connais personne. Je sais pas encore comment le club marche. Donc, au final, je dois faire un an ou un an et demi, je crois, où je fais pas de coaching. Et encore une fois, là, c'est mon éducateur en U18. Parce que j'étais parti jouer là-bas en U18, je suis arrivé là-bas en U18. Pour ici. Le niveau, c'est ça? Tu vas chercher autre niveau. Chose? D'accord. Excuse-moi. Pour le niveau. Et donc lui, pareil, un jour, à entraînement, nous dit, on cherche des éducateurs. Est-ce que ça a quelqu'un intéresse? Moi, je me suis dit, bon, bah, j'avais déjà fait ça un an ou deux ans avant au PUC. Je me dis, bah, allez, on va voir ce que ça donne ici, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je commence. Donc là, j'arrive à ici les Moulineaux sur des U11. Sur des U11. Et clairement, même tout de suite, moi, mes premiers principes que je veux mettre en place, c'était vraiment partir sur du jeu. D'accord. Sur du jeu, un maximum de jeu, tu vois. En fait, j'essaie de reproduire un peu ce que je voyais en U18. Encore une fois, c'est à ce moment-là. Est-ce que tu vivais avec ton entraîneur actuel? Comment? Ce que tu étais en train de vivre avec ton entraîneur actuel? Exactement, exactement. Mmh. Ce que lui est en train de m'apprendre. Et en plus de ça, comme lui aussi, à la fois, comme il avait les U18, mais il avait aussi une équipe de jeunes. Il était sur des U12, si je dis pas de bêtises. Donc, j'avais eu l'occasion de le voir aussi sur les plus jeunes. Et pareil, il proposait énormément de jeux, tu vois. Donc, je me suis dit, écoute, moi, je vais essayer de faire pareil. Donc, en fait, je copiais limite. Sa pédagogie, sa manière d'être, ses paroles, ce qu'il disait. Et c'est ce que j'ai donné aux joueurs que j'avais. D'accord. Ça ressemble à quoi un peu les premières séances, si tu t'en souviens? La façon dont. Alors, à ICI Les Moulineaux, les premières séances, comment ça se passait? Comme on était beaucoup, on avait beaucoup de joueurs sur la catégorie, on fonctionnait sur. Alors, il y avait 4 équipes U11, 4 équipes U10. Donc, on était chaque catégorie sur un demi-terrain. Et en fait, moi, je me rappelle à cette époque-là, je devais avoir la dernière équipe U11, tu vois. J'avais la dernière ou l'avant-dernière équipe U11. Et ce qui se passait, c'est que ces deux équipes-là avec qu'une seule séance par semaine, le mercredi après-midi. Donc le mercredi après-midi, on était sur des plateaux, en fait. Où le responsable de la catégorie mettait un tas d'ateliers en place sur le demi-terrain. Et nous, on était avec notre groupe et on se déplaçait d'atelier en atelier. Donc j'étais pas encore en charge de ma propre séance. Ah, ici les Moulineaux. Ah, ici les Moulineaux. D'accord. Donc, pareil, c'était au final, je me retrouvais dans la même configuration que j'avais connu au PUC, où c'était du plateau, une mise en place par le responsable. Il t'annonce ce qu'on fait durant la séance avant l'entraînement. Alors, il te montre les exercices, il te donne la PEDA à adopter. Et puis derrière, toi, tu rentres sur le terrain et t'appliques avec ton groupe. Donc, encore une fois, j'étais plus c'était un management assez directif, tu vois, il n'y avait pas encore de prise d'initiative de ma part. Et puis au fur et à mesure de l'année, ce qui se passait, c'est que là, le responsable, ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de nous responsabiliser un peu. Et à ce moment-là, sur la planification du plateau, il nous demandait à chaque jeune éducateur de préparer un atelier. D'accord. Qu'il allait corriger d'abord avant l'entraînement, voir si ça rentrait dans ce qu'il recherchait, nous donner ce qui allait pas, et puis derrière, nous de le mettre en place, et puis voir si ça marchait durant la séance. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre mes premiers pas réellement de responsable, de responsabilité sur le terrain en tant qu'éducateur. Et comme je t'ai dit au départ, quand je suis arrivé ici les Moulineaux, j'étais encore sous un format plateau, donc pas de séance à préparer. Bien sûr, ouais. Tu te souviens un peu des vraiment les points sur lesquels il insiste, s'il y a des choses qu'il ne veut absolument pas voir, s'il y a, je sais pas, il y avait des règles de fonctionnement que peut-être que tu as gardées maintenant, mais je sais pas, peut-être un nombre d'enfants par éducateur, ou peut-être des distances, ouais, ou peut-être était, des couleurs. On était sur, je dis pas de bêtises, on devait être sur 12 joueurs par éducateur. Il me semble que c'était 12 joueurs par éducateur. On était avant tout sur des notions, encore une fois, de plaisir. On a vraiment déjà tout axé sur le plaisir. Sur les jeunes, on était dans la notion de plaisir. Il fallait qu'ils arrivent le mercredi. C'est ce qu'ils nous répètent à chaque fois, qu'ils arrivent le mercredi. Que nous, en tant qu'éducateurs, on ait déjà le sourire avant qu'ils arrivent, qu'il y ait une bonne ambiance, et qu'ils ressortent de l'entraînement avec le sourire. C'était les bases. Après, on était essentiellement dans des aspects techniques. Sous forme plateau, travailler tactiquement, on ne l'a pas trop fait. De mémoire, je n'ai pas souvenir qu'on ait travaillé des aspects tactiques. Mais c'est vrai qu'on était beaucoup dans du développement technique et dans des développements, on va dire, athlétiques, mais au niveau motricité. D'accord, ok. Et, aussi, et derrière, basé aussi sur beaucoup de jeux. Mais les équipes 1 et 2, elles avaient une deuxième séance où là, c'était beaucoup, ça rentrait un peu plus dans le format de préparation de séance qu'on connaît, tu vois, où là, t'es vraiment avec ton groupe, t'as un quart de terrain ou un demi-terrain pour les plus chanceux. Et là, forcément, c'était différent, mais moi, ce que j'ai connu à ici les Moulineaux, ça a toujours été le format plateau. Parce qu'il y avait des éducateurs en place, moi, j'étais tout jeune, j'avais 17-18 ans, j'avais pas forcément j'avais pas les meilleures équipes, en fait, clairement. Donc, forcément, j'étais pas dans la même recherche que mes collègues. Mmh, d'accord, ok. Pour revenir à ce que tu me disais par rapport aux formations, oui. Première formation 2009, donc je passe 2009 où je passe mon initiateur 1, en avril 2009, il me semble. Ouais, avril 2009. Ça m'a fait bizarre puisque quand tu vois les formations d'aujourd'hui et les formations de l'époque, à l'époque, les initiateurs 1, 2 et la senior, tu passais une semaine complète en formation. Là, c'est des modules de 2 jours. Donc, c'est vrai que moi, qui avais déjà énormément de... Comment dire ? J'avais un emploi du temps chargé, déjà en tant que joueur, parce que j'étais encore U19 ici les Moulineaux, donc j'avais 3 séances par semaine, plus le match le dimanche. Donc, il fallait faire toute la semaine des allers-retours. Je me rappelle, c'était à Clamart. Je faisais des allers-retours à Clamart. Donc j'enchaînais tout le matin à Clamart, on finissait, il fallait avoir l'entraînement juste après. C'est vrai que la semaine avait été très très très longue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que ces modules de formation de 2 jours, c'est peut-être un peu plus condensé, mais mieux adapté par rapport au public. Ouais. Mais par rapport au public, puisqu'au final, quand tu réfléchis, moi j'étais jeune, j'étais encore étudiant, mais pour quelqu'un qui travaille, ça lui demande de poser une semaine de travail. C'est pas évident, c'est pas forcément évident, tu vois, pour tout le monde. Donc je pense que c'est plus adapté, ouais. Effectivement, c'est plus adapté. D'accord. Et dans le contenu, tu penses que ça correspond un peu plus à ce que tu recherchais? Est-ce que l'I1, est-ce que les initiateurs, si on compare un peu, est-ce que il y a peut-être un... Est-ce que tu es content peut-être d'avoir pris un peu des deux façons d'organiser? Pour moi, c'est toujours que du positif. Ouais, c'est enrichissant, bien sûr. Pour moi, c'est toujours que du positif. Mm-hmm. Oui, il y a eu de très bonnes choses sur le format où c'était les initiateurs, comme des moins bonnes, comme je t'ai dit, en termes de fatigue, de mm-hmm. charge de travail. C'est vrai que ça pouvait être long. Mm-hmm. Au final, j'ai appris beaucoup de choses. Tu vois, j'ai connu des éducateurs avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, tu vois. D'accord. Ça m'a fait mon premier réseau, on va dire, ces choses-là. Passer une semaine, quand tu passes une semaine avec des personnes, c'est exactement ça. Tu crées des liens, tu vois. Tu vas créer des liens qui sont beaucoup plus forts, peut-être, que de passer 2 jours avec certaines personnes. Et peut-être plus, comme tu le dis, c'est avant tout, il y a du contenu, il y a des intervenants de qualité. Et c'est même un des premiers, comme tu le dis, une des premières richesses à aller chercher, c'est surtout un réseau et de pouvoir comparer un peu ce qui se passe entre les clubs et d'aller chercher un peu du contenu ailleurs, ouais, effectivement. Exactement, tu vois, il y a même des éducateurs que j'ai rencontrés avant mon départ, comme je suis au Canada, avant mon départ, qui m'ont dit qu'ils avaient passé la formation avec moi, dont j'ai aucun souvenir. Et aujourd'hui, c'est des amis proches, mais à aucun moment... je me souviens d'eux lors de cette formation. Alors que ça vient peut-être de ce moment-là. Ça s'est peut-être créé à ce moment-là. C'est exactement. Tu vois, et pourtant, les gens que j'ai rencontrés là-bas, avec qui j'ai gardé contact, je m'en souviens. Et évidemment, on était beaucoup, tu vois, quand tu passes une semaine. Aujourd'hui, je crois que sur les formats, ils doivent être une vingtaine. Je pense que nous, on était un peu plus à l'époque. Et je t'ai dit, forcément, tu peux pas parler à tout le monde. Non, exactement. Quand je rencontre des éducateurs qui me disent, mais si, j'ai passé mon IA à Clamart, telle année, tel mois, je dis, bah si, j'étais présent, tu vois. Alors qu'on ne s'est jamais parlé, alors qu'aujourd'hui, bah, c'est des très bons camarades dans le milieu du foot, tu vois. Du coup, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, quelques années après, tu reviens à la CP15, donc c'est là où je pense que je fais ta connaissance, mais plus à un poste de responsable. Comment ça se passe? Là, je pense que tu prends davantage d'initiatives. Je pense qu'il y a vraiment ton rôle de responsable qui se crée avec probablement l'idée de mettre en place ta philosophie, la structure de commencer à planifier. C'est ça, raconte-nous un peu comment ça se passe à ce moment-là. Donc, j'ai passé 4 années en tant qu'éducateur au FC ici. En fait, à la suite de ça, je suis parti jouer à Châtillon dans le 92 pendant un an et demi. Et là, pendant un an et demi, j'avais arrêté le coaching aussi, tu vois. Donc, j'avais arrêté mon rôle d'éducateur pendant un an et demi. Et donc, la CP15 vient me chercher. En tant qu'éducateur ? En tant qu'éducateur. D'accord. Et aussi en tant que joueur. D'accord. À ce moment-là, voilà, ils avaient plus ou moins compris que, à ce moment-là, je dois avoir, je dois avoir 20, 21 ans, je crois. J'étais plus dans une recherche de jouer au niveau, on va dire. En tout cas, j'avais pas le temps. Bon, là, j'avais pas le temps pour ça. Parce que j'avais encore, je sortais de mes études, j'avais envie de travailler, j'avais d'autres projets. Et donc, le président qui était quelqu'un du 15e arrondissement, qui sait que moi je suis un jeune du 15e, comme il connaissait un peu mon grand frère et des amis à mon frère, donc il avait appris que en tant que jeune, j'avais jamais joué dans le 15e. Donc, pour lui, c'était pas normal. Ça faisait déjà 2 ou 3 ans qu'il m'envoyait des messages pour savoir ce que je faisais, etc. Et donc en 2013, c'est là où il me relance. Et moi, je me dis, pourquoi pas. Donc il m'appelle en tant qu'éducateur. Et puis je me dis, tant qu'à faire, autant jouer en même temps, tu vois, puisque je suis en bas de chez moi. Pour travailler et pour aller jouer, c'est plus simple, tu vois. Tu sors, je pense que tu connais, hein, tu sors d'un entraînement, des fois tu es dans un autre club, c'est compliqué. Là, au moins, je sais que je suis déjà sur les installations pour aller m'entraîner après, donc c'était beaucoup plus simple pour moi. C'est ça. Et donc j'arrive à la CP15 en 2013, je prends la responsabilité des U12. En collaboration, j'étais avec le responsable école de foot à cette époque-là, c'était Jean-Claude Anctil. Oh, d'accord. Donc que tu dois connaître, je pense. J'ai côtoyé quelques fois. Voilà, donc Jean-Claude, c'était mon premier contact à la CP15. Et Dieu merci, c'était un très beau contact parce que j'ai appris beaucoup de choses à travers lui. Et donc je récupère la responsabilité du 12 et c'est la première année où je suis responsable de catégorie. D'accord. Avant ça, j'avais jamais eu de responsabilité de catégorie, donc c'était un nouveau challenge pour moi. C'était une autre casquette. Et on avait une équipe. Alors en fait, il y avait une équipe U12, une équipe U13 et un mixte U12-U13. Et 3 équipes. Mais moi, j'étais surtout en charge de l'équipe U12 et du mixte U12-U13. Et là, c'est là, oui, comme tu as dit, où je mets mes premières idées en place, tu vois. Mes premières idées en place dans un contexte assez particulier. Tu connais le contexte du football en région parisienne, hein, t'as beaucoup de joueurs et très peu de terrain. D'autant plus dans Paris, où t'es pas propriétaire des terrains, donc on est plusieurs clubs à utiliser les mêmes terrains. D'accord, intéressant. Et on se retrouve avec 30. Je crois qu'on avait une trentaine de joueurs U12. Pour un quart de terrain. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Ok, bon, parce qu'à ce moment-là, le terrain il est partagé avec d'autres catégories de votre club et Alors, d'autres clubs? j'ai les U13 du club qui sont sur l'autre quart de terrain. D'accord. Et sur l'autre demi-terrain, c'est un autre club, pour te dire. Tu On parle de quel club à ce moment-là? vois. À ce moment-là, il me semble que c'était. Il me semble que c'était les Petits Anges. Ouais, il me semble que c'est Petits Anges qui étaient là. Ok, non, j'ai pas Un club du conscience 7e de. arrondissement. Pas du tout conscience que c'est que ce soit. Bah, j'avais. Que ça puisse se réaliser. Du coup, ça se passe comment, là, Adrien, là? Comment on s'adapte? Justement, on s'adapte, comme tu dis. Et donc là, comment on s'adapte? Bah, écoute, tu réfléchis, tu deviens pendant un moment géomètre. Tu réfléchis à découper le terrain d'une certaine manière, de manière à ce que tout le monde puisse travailler correctement. Bah vas-y, je t'en prie, partage-nous une séance type dont tu. Pas évident, je sais que ça date un petit peu, mais si jamais Ouais, tu pas comme t'as quelques souvenirs, comment tu séance type, t'organises? t'as un quart de terrain. Généralement, ce qu'on faisait, c'est que sur ce quart de terrain, toute la coordination, on la mettait en dehors du terrain, Voilà, donc ok, contre la première ligne de astuce. toute l'année, Bien joué. tu vois, pour gagner de l'espace. Ouais. Donc tu avais des exercices de coordi, ben, le long d'une ligne et le long de l'autre ligne. D'accord. Derrière le terrain, on le découpait en quatre ateliers. Sur le quart du terrain. Sur le quart du terrain, tu redécoupais le quart de terrain en quatre. Ok. Et à ce moment-là, alors après, pas forcément de taille égale, tu vois, les quatre Oui, parties, bien en sûr. fonction de ce que tu voulais travailler. Oui. Et puis derrière, bah, tu mettais en place bah, des ateliers techniques, des ateliers, on va dire tactiques, mais sur du jeu à thème, tu vois. Tu vas rechercher certaines notions. Et c'est comme ça que ça s'est passé durant 2 ans, je ne dis pas de bêtises, en 2 ans. Hein. D'accord, il y a quand même En 2 ans, l'espace ça pour s'est faire des passé. jeux, là. Il y a quand même de l'espace pour faire des jeux, pour mettre le ballon au sol, pour commencer à rechercher quelques principes. Voilà, pour rechercher quelques principes derrière, en fait, ce qui se passait, c'est que sur les matchs du week-end, on était très bon dans les petits espaces, tu vois. Dans les petits espaces, je peux te dire que personne ne prenait le ballon, parce que forcément, quand tu as l'habitude de jouer sur la moitié d'un quart de terrain, forcément, bah, t'as beaucoup plus, la pression arrive beaucoup plus vite. Au final, tu rentres sur des notions de futsal. T'as une D'accord. pression qui arrive beaucoup plus vite. Ouais. Et donc, tu t'habitues à gérer cette pression-là, en fait, et à faire les choses rapidement. Tu sens que les joueurs font vraiment le transfert là du contexte d'entraînement. Ah oui, bien sûr. Bah, tu vois que dans les petits espaces, on est très bon, mais que dès l'instant où bah, faut aller chercher un peu plus loin sur le terrain, voire plus loin, on a un peu plus de difficultés. Dès qu'il faut gérer certaines distances de profondeur ou de gérer l'espace Exact, dans son dos exactement. Tu vois, que ce ou. soit offensivement ou défensivement, bah, la gestion de la profondeur, on a du mal. Et l'utilisation de la profondeur, bah, on a aussi du mal, tu vois. D'accord. Au final, des actions, par exemple, où bah, tu peux aller au but en 3 ou 4 passes, bah, nous, on allait faire le double. Parce D'accord. que bah, on allait repartir dans des petits espaces et avancer tous ensemble, tu vois. D'accord, exact. Donc T'as bon. combien d'éducateurs sur ces modules-là? Tu dis qu'il y a 30 enfants, il y a 4 ateliers, plus la coordination. À ce moment-là, tu es tout seul, vous êtes trois, parce que j'imagine que c'est. On est deux. D'accord, vous êtes deux pour diviser le groupe. Enfin, vous faites quoi? Ouais, 4 groupes on est de deux, 7, vous on faites. divise le groupe. Donc t'es obligé de laisser des. Bah, t'es obligé de laisser deux groupes à chaque fois en autonomie. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Vous faites 4 groupes de Et 7 à peu près, et puis. généralement, on les met en autonomie sur les jeux. Oh, ok, sur des formes de position à effectif Voilà. égal ou. Ouais, souvent c'était effectif égal. D'accord, il y On a. ne rentrait pas encore sur les situations. À ce moment-là, moi, j'avais encore que mon initiateur 1, j'avais pas encore passé d'autres formations. D'accord, ok. Donc, j'avais pas encore connaissance des nouveaux procès d'entraînement. D'accord, ok. Là, tu dis à un moment donné, Monsieur Anquetil, il t'a beaucoup appris. Je serais curieux de savoir comment il s'y est pris. Enfin, comme il y a ma question elle a deux sens. Comment lui s'y est pris pour transmettre? Comment toi tu as fait pour apprendre de lui? Et est-ce que tu partagerais qu'est-ce que tu seras en mesure de Alors, dire? Ah, ben ça vient vraiment de la lui. première chose qu'il a faite, je m'en rappellerai toujours, c'est qu'avant que je prenne ma décision pour rejoindre la CP15, il m'avait demandé de venir sur une séance d'entraînement et de rester avec lui sur le bord du terrain, derrière la main courante, et d'observer le groupe que je devais récupérer. Au mois Et de en fait, septembre ou au mois de mai, là, à ce moment-là, sur une. c'était au mois de juin. D'accord, donc pour la C'était saison mai ou juin. prochaine. Pour la saison d'après. Ah, Et très en fait, intéressant. j'ai passé 1 heure et demie avec lui au bord du terrain. Et au final, en fait, lui, il a un œil qui est beaucoup plus expérimenté que le mien, tu vois. D'accord. Parce que ça fait quand même des dizaines d'années, voire plus, qu'il est dans le milieu, donc qu'il a un peu tout vu, puisqu'il voilà, il se balade un peu partout sur l'Île-de-France. Et en fait, il me pointait du doigt des détails que moi, de mon œil, je n'arrivais pas encore à percevoir. Tu saurais t'en rappeler, par exemple? Deux, trois détails sur les postures, par exemple, les postures des joueurs, sur la taille d'un exercice, sur l'adaptation par rapport à l'effectif et par rapport au terrain, tu vois. D'accord. Pour ça que moi, je te dis que j'étais à moitié géomètre, puisque je suis arrivé directement au mois de septembre avec cette idée que je dois pouvoir découper mon terrain de manière à ce qu'on ait un rapport qualitatif qui reste quand même important vis-à-vis du nombre de joueurs. Pour permettre quoi ? Pour permettre à tous les garçons de progresser. D'accord. Tu vois, j'étais dans cette optique de me dire, ok, j'ai tant d'espace, il faut que je travaille de manière à ce que les joueurs, non seulement sur les jeux avec ballon, ils touchent un maximum de ballons, tous. Parce que si le joueur, au final, passe son temps à courir après la balle ou qu'il y a tellement de monde sur un atelier que, bah, je veux dire, t'as une notion de grappe, tu vois, parce qu'au final, s'il y a un tout petit espace et beaucoup de joueurs, au final, la grappe se fait naturellement, tu vois. Faut arriver à gérer la distance pour pas que le ballon aussi passe trop souvent à l'extérieur, j'imagine aussi. Aussi, tu vois, donc, c'est lui qui m'a fait comprendre ces choses-là, tu vois. Parce que moi, en arrivant, j'arrive, je t'ai dit, j'ai passé mon lien, ça fait un an et demi, deux ans que j'ai pas coaché, dans ma tête, je me dis, bah, on a deux groupes. Moi, j'ai un groupe U12 et mon collègue a le U12, U13 mélangé. Bah, on se coupe le quart de terrain en deux et chacun travaille de son côté, tu vois. Dans ma tête, au départ, je pars là-dessus. D'accord. Après, je me dis, mais non. Je me dis, le travail ne sera pas qualitatif. Tu ne peux pas avoir 15 joueurs sur un huitième de terrain, tu vois. Okay. Donc, tu vois, je suis dans une réflexion et en fait, je me prends la tête. Me prends la tête et je me dis, mais non, c'est pas possible. D'accord. Donc, faut sortir des joueurs du terrain. Ouais, je t'ai dit, c'est là, t'es dans l'adaptabilité. Au final, quand tu réfléchis, tu te dis, bah, tous les éducateurs, on se dit, on a un terrain, on va utiliser l'intérieur du terrain. Et au final, il y a de l'espace à l'extérieur du terrain. Pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser, tu vois? Exact. Qui nous a interdit de pas utiliser l'espace qui est à l'extérieur du terrain? Tu te souviens avoir utilisé l'espace du terrain pour autre chose que de la coordination ou de la motricité? L'extérieur? Oui. Laisse-moi réfléchir. De la jonglerie ou Bien sûr, ah, si, j'ai fait de la jonglerie. Ouais, de la jonglerie, peut-être des exercices de vitesse. Je sais pas, j'y étais pas, mais j'essaie de réfléchir en même temps. Vitesse, j'ai fait, non, il y a eu de la jonglerie, de la vitesse, j'ai dit, il y a eu de la coordie, il y a eu des ateliers techniques avec ballon, bah oui, de la conduite de balle, exercices de passe. Mm. Tout ce qui pouvait se faire dans des petits espaces. Au final, à un moment donné, c'est de le mettre à l'extérieur du terrain. D'accord. Ouais. Une manière à avoir un maximum d'espace sur le terrain pour trouver des notions foot, de manière à ce qu'ils puissent les reproduire sur les matchs. D'accord. C'était l'objectif principal. Ok. Donc, ouais, on retiendra surtout de cette expérience et puis de tout début, bah, l'adaptabilité. Mais je pense que les éducateurs ou entraîneurs qui écouteront en prendront conscience, ouais, que c'est une des principales choses que j'imagine que. Il faut venir entrer de Paris. Ouais. Faut savoir que c'est un contexte où tu dois t'adapter tout le temps. Donc, j'imagine que c'est une compétence qui va te suivre par la suite, et justement, bah, je voulais commencer à aborder. On fait un saut, hein. Je sais qu'il s'est passé plein de choses. On aura, j'aimerais continuer, mais on va. Il y a tellement de choses à aborder. Je sais, j'en ai aucune idée. Comment ça se passe? Parce que je sais que maintenant, tu es notamment à la PSG Academy, et puis on va surtout aborder un peu cette expérience de ta vie, cette aventure, ce projet dans lequel tu t'es lancé. Et puis, je sais qu'à travers ce projet, il y a eu de nombreux projets. La première question qui vient, c'est comment tu te lances dans ce projet? Comment tu entres en contact? Ou comment on vient te rencontrer pour t'introduire? Et puis, à quoi correspondent surtout les premières semaines et les premiers projets qu'on te donne? Alors, je fais 2 ans à la CP15 et en 2015, je décide Je décide de partir au Canada. Comment je décide de partir au Canada ? Ah, là, ça m'intéresse. Là, tu peux y aller, vas-y, mets des détails. À l'été 2014, j'ai un ami qui est au Canada pour ses études. D'accord. Qui était parti depuis décembre 2013 ou janvier 2014, il était parti au Canada. Et donc moi, fin juin, début juillet 2014, je me dis, bon, j'ai besoin de prendre une semaine de vacances, qu'on devait partir en tournant en Espagne avec la CP15. Début juillet, je me dis, je vais me prendre une petite semaine avant, histoire de souffler, pour arriver et gérer toute la semaine qu'il y avait à gérer en Espagne. Donc je pars au Canada pour aller le voir. Et donc je passe 10 jours au Canada et je passe un séjour où je m'éclate pendant 10 jours. Je découvre autre chose. Je sais pas, il y a un truc dans cette ville, dans Montréal, qui me dit, bon, ça peut être pas mal, tu vois, ça peut être super intéressant. J'aime l'énergie qu'il y a dans la ville, les gens que je rencontre. Et je dis à mon ami, je pense que je vais venir ici, tu vois. Je lui dis, je pense que je vais venir ici, je sais pas comment, mais faut que je vienne ici. Et donc de là, ben, je mets un an à me lancer pour partir, parce que je suis parti l'été d'après, mais en fait, fin d'année 2014, j'ai pour le projet d'aller à l'université à Montréal. D'accord. Je me dis, le plus simple, ce serait d'avoir un visa étudiant. Donc, je regarde un programme qui pourrait m'intéresser. Et je me dis aussi, c'est aussi une manière pour moi de goûter à un truc que j'ai toujours voulu faire, c'était jouer au niveau universitaire, tu vois. Ah, ok, d'accord. Intéressant. Parce que quand j'étais sur Paris, j'avais un qui lui s'occupait de joueurs universitaires aux États-Unis sur Washington à l'époque. Maintenant il est en Californie, mais lui aussi m'avait un peu poussé à partir sur les États-Unis. Et à cette époque-là, j'étais encore dans mon confort et j'avais du mal à me lancer. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai un ami au Canada, pourquoi pas, tu vois. Donc, je rentre en contact. Pas, je me coupe là, mais pas évident. Hein. Quand tu parles de confort, c'est dur de se lancer. Pas évident du tout, puisque je t'ai dit, pendant 2-3 ans, au final, entre mes 18 et mes. Je suis parti au Canada à 24 ans. D'accord. Entre mes 18 et mes 22 ans, pendant 4 ans, on me poussait pour partir aux États-Unis, tu vois. D'accord. Et j'arrivais pas à sauter le pas. Qu'est-ce qui te retient Ce qui me retient, c'est ma famille, mais c'est mon confort au final. D'accord. C'est mon confort. Mm-hmm. C'est le confort, c'est de me dire ici j'ai tout ce dont j'ai besoin. Parce que à cette époque-là, je me dis pas il y a la barrière de la langue, l'anglais. Je parlais quand même assez bien anglais. J'étais pas encore bilingue, mais je parlais bien anglais. Je le comprenais plutôt bien. Donc c'était vraiment le confort. Et j'étais là, j'avais mes amis, j'avais mes habitudes, mes repères. Et quand t'as des habitudes, c'est difficile des fois de sortir de tes habitudes. Donc je t'ai dit, fin 2014, ben, moi, je suis sur le projet universitaire. Parce que j'avais aussi un autre ami qui, lui, était à l'université de la Sorbonne et qui était parti justement aussi une semaine, 10 jours, au Canada pour jouer, je crois que c'est des finales universitaires, je crois. Il était parti au Canada. Et donc, lui aussi m'avait dit, ouais, franchement, le Canada, c'est top. Et lui aussi avait pour projet d'y aller, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, on va se lancer. Donc, moi, j'ai trouvé un programme en communication. Pour la rentrée du mois de septembre. Pour la rentrée du mois de septembre 2015. Et en même temps, j'étais rentré en contact avec le coach de l'équipe universitaire. D'accord. Et donc, j'ai fait mes dossiers, fait la paperasse, j'ai obtenu mon visa étudiant, j'ai été accepté à l'université, et puis je suis parti au Canada fin juillet 2015. Là, ça va, il n'y a rien qui te retient, il n'y a, pas trop de doutes, il n'y a rien qui te dit de ne pas y aller. Il y a plein qui me retient, moi, parce que pendant les 2 ans que je fais la CP15, alors, moi, j'avais des responsabilités, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ben, Jean-Claude Antil a dû partir. Donc, j'avais assuré plus ou moins l'intérim en tant que responsable d'école de foot. À la fin de saison, J'étais pas encore en train de me dire je veux le poste de responsable école de foot, tu vois. J'avais fait ce que j'avais à faire, on avait maintenu la barre. Donc à ce moment-là, il y avait un autre responsable école de foot qui lui aussi sur la saison 2014-2015 est resté 4 ou 5 mois. Et à ce moment-là, encore une fois, de moi-même avec un de mes collègues qui s'appelle Sébastien Choué, qui lui aussi est à la CP15 et qui a travaillé aussi un peu à la PSG Academy avec moi. On reprend un peu les choses en main, on essaie de garder une structure, que le club continue à tourner correctement. Et donc, là, à ce moment-là, moi, je me dis, bon, ça fait 2 années de suite où j'assure un peu l'intérim. Je me dis, bah, j'ai envie d'encore d'un nouveau challenge et j'aimerais bien être responsable école de foot. Au final, on me donne pas le poste. Et moi, j'avais déjà entamé mes démarches au cas où, tu vois, pour l'université. Okay. Donc, quand je vois qu'au mois de, je crois que c'est au mois de mars ou au mois d'avril, on veut pas officialiser la chose, pour mon rôle en tant que responsable école de foot, voilà, pour moi, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui me retient. Quoi. D'accord, ok. Je me dis, il n'y a plus rien qui me retient, je me dis, bah, il y a une autre aventure à vivre. Je vais aller vivre une aventure, quoi. D'accord. Et c'est comme ça que je pars, puisque à la même période, je passais mon BPJF, animation sport co. Ah, ouais, exact, ok. C'est vrai que j'ai oublié de mentionner ça, mais c'est comme ça que je suis arrivé à la CP15 aussi. Mm-hmm. C'est qu'il y avait le dispositif Un Club en Emploi qui se mettait en place avec la Ligue de Paris. Oui, oui, oui. Et donc c'est comme ça que j'intègre la CP15, de manière à ce que là je me retrouve avec un contrat. Donc je suis rémunéré. Et c'est là où je rencontre Samy. Exact. Ouais. Qui nous met en contact avec Samy à cette période-là. Et donc voilà, je finis mon BPJEPS et je me dis bon bah j'ai obtenu mon diplôme pro. Bah, écoute, c'est quoi la suite, quoi, tu vois? Moi, j'ai toujours une mentalité, et ça, je pense que c'est mon éducateur U18, Nicolas Franceschi, que j'ai ici dans les noms, qui m'a inculqué cette mentalité, toujours me dire, on a fait quelque chose, c'est quoi la suite, tu vois? Comme en match, il y a une action qui est finie, action suivante, on pense déjà à la prochaine action, tu vois? Pas le temps de se rester sur le passé, c'est fait, qu'est-ce qu'on fait ensuite, tu vois? Et en fait, moi, j'ai toujours réfléchi comme un joueur, en fait. J'ai obtenu mon diplôme, vas-y, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et là, je me suis dit, c'est parti, on va au Canada. Donc, j'arrive au Canada j'arrive en fin juillet au Canada. Je reprends l'entraînement avec l'université, début août. Et en fait, on se rend compte que je suis éligible uniquement pour la saison, la saison qui arrivait pour l'hiver, quoi. Ah, tu peux pas jouer la saison d'été, là. Tu peux pas intégrer en septembre, je veux dire. En fait, je pouvais jouer uniquement de. Je pouvais jouer d'août, parce que la reprise était en août, je pouvais jouer d'août à fin novembre. D'accord. Parce que la saison était condensée, genre, comme il n'y a pas beaucoup d'équipes universitaires. Ouais. Sauf si derrière, tu fais les finales nationales, etc. Bien tu sûr, vois. Ouais. En tout cas, j'étais éligible jusqu'au mois de novembre. Donc ça m'embêtait un peu. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, j'ai pas tant joué que ça, puisque je revenais d'une entorse du genou avant de partir au Canada. Et j'ai eu une rechute pendant que j'étais au Canada. Mes ligaments avaient regonflé, donc j'ai dû m'arrêter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant là, ça arrive septembre ou octobre, je sais plus. Et en fait, quand j'arrive au Canada fin juillet, une semaine après, le PSG arrive pour ouvrir une académie à Montréal. Ah. Donc moi je me dis l'aubaine, tu vois. Ah, le cœur parisien. Exactement. J'arrive, et vraiment une semaine après, j'ai un ami justement qui travaille au PSG, qui est référent technique sur les académies PSG. Il s'appelle Benjamin Horry. Et en fait il m'appelle et il me dit Adrien, t'es à Montréal, j'arrive avec les pros et on a une tournée sur. On a une tournée sur le Canada et les États-Unis et on sera logé là à Montréal pendant quelques jours. Je dis quand t'es là tu me dis et puis on se voit quoi. Donc le PSG arrive, ils sont sur un hôtel en centre-ville. Je passe à l'hôtel, mon pote descend et on discute et puis il me dit écoute là nous on ouvre une académie ici. Et bah, je sais pas si toi t'as des disponibilités, mais je pense qu'ils auraient besoin de coach ici sur l'académie. Je lui dis bah ouais, pourquoi pas. Je lui dis écoute, moi je veux bien rencontrer les franchisés ici qui gèrent l'académie, et puis on verra ce que ça donne. Donc derrière, ben je rencontre les franchisés. Comment ça se passe? Si on te contacte, tu les contactes, comment se passe la rencontre? C'est eux qui m'ont contacté. D'accord. C'est eux qui m'ont contacté par mail, qui voulaient un entretien. Donc moi je vais à l'entretien. J'arrive dans les bureaux de l'académie, je vais à l'entretien. Ça se passe plutôt bien, mais ils me donnent une pseudo période d'essai, on va dire. D'accord, de quoi? D'un mois, de trois semaines, de trois mois peut-être? Non, c'était un test sur une journée où ils faisaient une détection en fait. D'entraîneur. Parce qu'ils n'avaient pas encore. Voilà, pour voir comment je me comportais sur le terrain. Là, ok, intéressant. Là, c'est quoi? Ils font venir plusieurs entraîneurs. En fait, moi, je prends ça à la rigolade. Pourquoi? Parce que, bon, tu sais, j'arrive d'Europe, j'arrive de France, j'arrive de Paris. Et en fait, bah, le franchisé, lui avait fait du rugby. Et les deux autres coachs qui étaient sur l'académie, c'était des coachs locaux. C'était des Canadiens? Des Canadiens, tu vois. D'accord. Et en fait, moi, j'arrive dans le truc où je me dis, mais j'ai... Après, c'est sans aucune prétention, tu vois. Mais je me dis, j'ai quand même une culture foot. Et je trouvais ça assez bizarre qu'on me teste en tant qu'entraîneur, tu vois. D'accord. Comme j'étais jeune aussi, je dirais pas que je l'ai mal pris, mais je me suis dit, ouais, ils abusent un peu, tu vois. Dans ma tête, c'était, ouais, ils abusent un peu quand même, là, tu vois. C'est intéressant, ouais. Mais je me dis, bon, allez, c'est pas grave, on va y aller. Donc, je vais sur... j'arrive le... C'était un samedi matin, je crois. Ouais, c'était un samedi matin, donc j'arrive sur les installations. Eux avaient déjà leur planning, leur exercice qu'ils voulaient mettre en place sur la détection. T'es le seul ou il y a plusieurs entraîneurs à ce moment-là? Je suis le seul. D'accord. Je suis le seul. Et parce qu'en fait, ils avaient déjà plus ou moins établi un staff technique sur l'académie. D'accord. Et donc moi, j'arrive, je rejoins un peu ce staff-là. Donc eux avaient mis en place des ateliers, je crois qu'il y avait, en fait c'était, il y avait des tests, surtout il y avait des tests de jonglerie, de vitesse, conduite de balle. Après c'était que du jeu, tu vois. Et ils me mettent sur un test, je crois qu'ils me mettent sur le test de conduite de balle, je crois. Et ils me disent, ah, tu bouges pas du test de conduite de balle. Ok. Bon, moi je dis ok si vous voulez. Je me dis bon, je vois pas dans quelle mesure où je suis avec un chrono dans la main, tu vas pouvoir juger de mes qualités d'éducateur, tu vois. Tu sais, moi, je me posais la question, tu vois. D'accord. Et donc, les premiers groupes arrivent. Je fais passer le test, etc., etc. Et en fait, il y avait tellement de monde ce jour-là. Il y avait tellement de joueurs. Franchement, j'avais jamais vécu un truc comme ça. Vraiment, tu sentais que c'était des trucs à l'américaine, tu vois. Beaucoup, beaucoup de monde, des parents tout autour du terrain. J'avais l'impression qu'on était, tu vois quand on fait un tournoi en France, ouais, où il y a beaucoup de monde, bah là c'était pareil, mais pour intégrer une académie, tu vois. D'accord. Il y a une effervescence à ce moment-là quand le PSG arrive à Montréal. Il y a une grosse effervescence parce que les pros sont là aussi à ce moment-là. D'accord. Donc les pros étaient venus voir les joueurs, bah, pas un jour où j'étais là, mais les pros avaient rencontré les jeunes canadiens. D'accord. Donc, il y avait une émulation qui était en train de se créer autour de ça, tu vois. Mm-hmm. Et donc je t'ai dit, moi je fais ce que j'ai à faire, et puis beaucoup de monde, et moi je sens que ils ont du mal à gérer ce qui est en train de se passer. Et là t'as le franchisé qui vient me voir, donc qui est canadien, et qui me dit, Adrien, avec ton accent français, est-ce que tu peux appeler tout le monde? Parce qu'en fait, on envoyait les garçons boire, mais les garçons allaient boire, mais les bouteilles étaient dans les mains de leurs parents. Donc au final, ils allaient boire et ils discutaient, tu vois. D'accord. Donc moi, bah, il m'a demandé de prendre les choses en main, je l'ai prévenu, t'es sûr, tu veux que je prenne les choses en main? Parce que tu sais, moi j'arrive, je voulais froisser personne. Bien sûr. Et je suis le petit dernier, je voulais pas, voilà, que... Bah, c'était quand même des mecs du staff, c'était quand même des mecs qui avaient... 20 ans de plus que moi, qui avait une certaine expérience aussi au Canada. De la vie, ouais. Je voulais pas arriver, et le petit jeune, parce que j'étais le plus jeune, tu vois, le petit jeune, il arrive et il fait sa loi, tu vois. il impose certaines choses. J'ai bien demandé, est-ce que vous êtes sûr, vous voulez que je prenne les choses en main? Ils m'ont dit, non, vas-y, y a pas de problème. Donc après, bah, j'ai fait ça comme on fait en France, hein, tu sais, un bon coup de gueule pour appeler tous les joueurs. Ça a surpris tout le monde, puisque eux, ils sont très dans le, tu sais, dans la, comment dire, comment je pourrais dire ça, dans une pédagogie très, très, très, très souple, on va dire, très gentille, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Quand on va appeler les joueurs au bord du terrain, on va les appeler gentiment, mais au final, le garçon, soit il t'entend pas, soit il t'écoute pas, en fait. Mm. Donc moi j'arrive, voilà, un bon coup de gueule, alors sans gueuler bien sûr, mais juste en portant la voix. Voilà, les garçons, on se rassemble, ils sont tous arrivés, et puis je leur ai dit, les bouteilles d'eau. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les bouteilles d'eau, vous allez récupérer toutes vos bouteilles, et vos bouteilles, elles seront au bord du terrain. Et vous n'allez plus voir vos parents jusqu'à la fin de la détection. Ils m'ont tous fait des grands yeux, même les coachs, parce qu'ils se sont dit, mais ils ont dû se dire, mais il est fou lui. Mais il met la pression aux joueurs, là, les parents, ils vont nous tomber dessus, tu vois. Que moi je leur ai dit écoutez, voilà, ce sera comme ça et ce sera pas autrement. Et derrière, en fait, le truc a tourné, parce que derrière, c'est moi qui ai dû gérer les rotas. Parce que ce qui se passait, c'est qu'ils envoyaient boire les garçons après chaque atelier. Je leur ai dit, mais on va jamais finir la journée, là, on va rester là jusqu'à 23h à cette heure-là. Surtout que on avait une heure pour chaque catégorie d'âge. D'accord. Je leur dis à ce moment-là, non, ce sera très compliqué. Donc je gère les rotations, je gère les pauses boissons, je gère les pauses des coachs. Pour qu'il y en a, il aille manger, tu vois, voilà, parce que le franchisé nous avait acheté des sandwichs. Je dis, voilà, toi, tiens, bah là, tu peux aller manger parce que là on a assez de coachs sur le terrain. Tu sais, on gère des rotations. Après, sur le jeu, bah, fallait des arbitres. Je me suis retrouvé à faire la touche. Enfin, j'étais partout, tu vois. Et donc, à la fin de la journée, bah, il me dit, écoute, on fait l'ouverture à telle date, parce que c'était fin août, je crois, début septembre, et on faisait l'ouverture officielle de l'académie début novembre, tu vois. Et il me dit, bah, début novembre, je t'attends à tel endroit, à telle heure. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'académie à Montréal. D'accord. Superbe anecdote. Là, à ce moment-là, tu vas le dire par la suite. J'ai plusieurs questions là, de toute façon. Vous recherchez combien d'enfants là, à peu près par catégorie? Non, la question, je vais pas la poser comme ça plutôt, mais au moment où tu arrives au mois de novembre, c'est combien d'enfants vous avez à peu près dans chaque catégorie? Et surtout, bah, comment ça se passe un peu là, les premières séances? Combien d'enfants on a par catégorie? On devait être. Je crois qu'il devait y avoir. Ça dépendait. Sur les catégories de football à effectif réduit, on devait être 14 peut-être. 14, 15 max peut-être. Et sur le foot à 11, on était sur. Peut-être 18 joueurs. D'accord, c'est-à-dire par exemple la catégorie U11, on considère que c'est une catégorie. Il y a combien 12, 15 joueurs. Après, il y a la catégorie U12. Il y avait une équipe par année d'âge. D'accord, ok. De quoi? De U8, vous commencez peut-être à U5. U9, d'accord. On allait de U9 jusqu'à. U9 jusqu'à U14. D'accord. U9, U14, on faisait à ce moment-là. Dans toutes ces catégories, vous avez le nombre de joueurs que vous aviez besoin? Non. D'accord, ok. U10, il n'y avait pas assez de joueurs à cette époque-là, de mémoire. D'accord. Et en U9 aussi. Ok. Et moi, j'étais responsable des U9 et j'étais coach adjoint sur les U12. D'accord. Donc, tu arrives au mois de novembre. Donc, déjà, j'imagine qu'à ce moment-là, bah, tu décides de rester au Canada, tu as ta période universitaire. A priori, tu considères que c'est un bon choix, c'est que tout se passe bien. Ce départ. Et en plus de ça, à l'ouverture de l'académie, il y a Sacha Lisambard qui arrive du PSG. D'accord. Donc lui, en fait, a fait toutes les ouvertures des académies PSG au commencement du projet, qui s'est vraiment lui baladé dans le monde entier. Il arrivait de, je crois que c'était de deux ans et demi en Inde, je crois, sur l'académie PSG qui était en Inde à l'époque. D'accord. Et donc il partait sur un nouveau projet au Canada. Ok. Donc ça me faisait un repère en plus, que je me retrouvais à travailler aussi avec un Français et un Parisien. Genre. D'accord. Donc là, vous lancez l'académie, bah là je serais curieux, là, comment ça se passe? Est-ce que Quels sont les contenus d'entraînement? Quels sont à quoi ressemble une semaine type pour par exemple une équipe de U9, une équipe de U13? Quels sont je sais pas à quoi ressemble un entraînement type? Quels sont les qu'est-ce que vous essayez de transmettre? Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment ta philosophie d'entraîneur ou c'est une philosophie de que vous avez mise en commun ou c'est vraiment vous récupérez une philosophie du club, du PSG? Alors là, on récupère la philosophie PSG. D'accord. Donc, Cédric Catenois qui était Ah, Monsieur Catenois, Cédric Catenois qui était directeur technique sur l'académie du PSG, oui, à Paris, oui. à Paris et à la fois aussi était le référent technique des académies dans le monde. C'est lui qui se déplaçait sur toutes les académies pour s'assurer que justement la PEDA et la méthodologie étaient bien respectées. D'accord. Nous envoie des contenus d'entraînement. Donc, une planification, une philosophie, une PEDA à avoir. La planif, elle était essentiellement basée sur du jeu. C'était 70% offensif, 30% défensif, je crois, Je l'ai de peut-être sa mémoire. philosophie parce que moi c'est un de mes livres, un de mes livres que j'utilise encore et maintenant depuis une dizaine d'années. C'est celui qu'il a réalisé avec Sébastien Thierry, Sébastien justement. Thierry aussi, oui. C'est un des livres qui me suit partout et j'adore son J'en ai contenu. un ici là, je crois que je l'ai sur les U13, je crois. J'ai celui sur l'U14, mais j'adore son contenu. Bref, désolé de te couper, je t'en prie. Non, mais t'as pas de problème. Mais je te disais, donc voilà, donc Cédric Catenon nous envoie tout ça. Et là encore une fois, tu sais, j'arrive encore dans un autre univers, quoi. Parce que je me dis, je suis quand même dans un contexte club professionnel. Donc je me dis, je vais peut-être tout réapprendre, tu vois. Parce que D'accord. je me dis peut-être que dans les clubs pro, ils ne travaillent pas du tout comme nous, on travaille dans nos clubs amateurs. Donc j'arrive encore une fois, tu sais, je me mets un peu en retrait, j'observe beaucoup Sacha, parce que lui, voilà, il a une expérience du PSG, avant d'être sur les académies, il a coaché aussi au PSG, tu vois. Donc c'est pour ça que je m'étais mis en adjoint avec lui, de manière à pouvoir l'observer et apprendre un maximum. Et au final, je me rends compte que maintenant, sa manière de faire est quasiment la même que la mienne. Tu vois, on a la même pédagogie où on est très dans une pédagogie active, tu vois, où les joueurs, on essaie de les responsabiliser, on est dans le questionnement. Donc au final, je retrouve mes repères. D'accord. Dans le contenu de séance, on était beaucoup dans une notion de joueur équipier. La notion de joueur équipier, c'était avoir un joueur sur lequel on allait travailler sur son intelligence de jeu, de manière à ce qu'il y ait une intelligence collective après des connexions entre chaque joueur. C'était D'accord. le principal. Tu peux expliquer un peu plus? On était énormément dans le travail cognitif. D'accord. C'est-à-dire qu'on était dans de la recherche de prise d'infos sur beaucoup d'exercices, beaucoup d'ateliers. On travaillait énormément sur la prise d'infos. On a travaillé d'abord de manière analytique, puisqu'on était sur. Bon, je pense qu'on en discutera après, mais sur. Comme la culture canadienne n'est pas basée là-dessus, donc il a quand même fallu faire beaucoup d'analytique sur des aspects techniques, donc que ce soit technique, conduite de balle, passe, comme tu veux, mais aussi sur un aspect. Un aspect cognitif sur la prise d'infos. Donc, beaucoup de prise d'infos. Sous quelle forme cette On a prise d'info? Il y a de sur cette l'opposition, prise c'est. d'infos, alors l'exercice qu'on a le plus utilisé au départ, c'était sur un travail de contrôle passe. Mais avant la passe, on avait toujours un joueur derrière avec deux pelles de couleurs différentes. Et donc, le joueur sur le temps de passe devait se retourner, prendre l'information par-dessus son épaule et annoncer la couleur qui était montrée par son partenaire. D'accord. Donc on l'a fait sous plusieurs formes et on était énormément en fait dans cette notion de quand je dis prise d'info, la prise d'info derrière en fait on l'a détaillée en quatre parties. Il y avait la prise d'info, donc l'information qui a été prise. Il y avait l'analyse de cette prise d'info, c'est de comprendre ce qu'on avait vu. Il y avait la prise de décision après ça. Et ensuite, il y avait l'action. Donc, on essaie de faire comprendre aux joueurs que cette prise d'information se détaillait en quatre parties. Et que lors d'une erreur technique, c'est que l'un de ces quatre procédés dans la prise d'info avait mal été réalisé. Soit la prise d'info n'est pas bonne au départ, soit l'analyse de l'information n'a pas été bonne, soit la décision n'a pas été bonne, soit le geste technique réalisé n'est pas bon. Mais tout découle au départ de la prise d'information et de tout ce principe d'analyse qui doit se faire assez rapidement pour que le geste soit réalisé le plus rapidement possible et pour qu'il soit en réussite. Et on a basé énormément notre philosophie là-dessus. D'accord. Donc ça soit de la prise d'info pour voir un peu ce qui se passe dans son dos, mais aussi peut-être quand tu es face au jeu, peut-être de la prise d'info pour prendre les bonnes décisions. C'est un peu ça, j'imagine ? C'est ça, exactement. D'accord. Exactement. L'objectif, c'était d'avoir des joueurs intelligents. Ok. Ok. Des joueurs qui sont capables de... Bah, en final, des joueurs qui sont capables de se gérer eux-mêmes sur le terrain. Vous vouliez rendre les joueurs autonomes. C'est ça un peu... Exactement. C'était okay. Rendre les joueurs autonomes de manière à ce que nous, en tant qu'éducateurs, on ait moins de choses à dire au bord du terrain. D'accord. Ok, comment ça se matérialise dans la planification? Comment ça se matérialise aussi dans... T'as parlé de l'analytique. Déjà, pourquoi... une des questions t'arrives de France, t'as entraîné quand même plusieurs années, au moins 5, 6 ans, t'as du contenu, tu t'es formé, t'as été au contact de bons éducateurs, de bons mentors, j'imagine. T'arrives justement au Canada, nouveau contexte, nouveau public. Tu dis que vous êtes... vous devez... Il y a ton ressenti qui te pousse à modifier un peu peut-être les idées que tu avais. C'est ça. Comment tu fais pour t'adapter justement à ce nouvel environnement, nouveau projet, c'est lourd quand même, et nouveau public, nouveau profil de joueurs? Écoute, au départ, ce que tu fais, c'est que tu es énormément dans l'observation. T'observes beaucoup avant de... au final, en fait, au départ, c'est toi qui te... Comment je pourrais dire ça ? C'est toi qui t'adaptes aux joueurs, en fait. D'accord. Tu t'adaptes pour essayer de les comprendre, comprendre leur culture, comprendre leur manière de jouer, comprendre comment le sport se vit au quotidien dans ce nouvel environnement. On parle encore d'adaptation. Toujours de l'adaptation. Et au final, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait et que tu as montré aux joueurs que tu es allé vers eux pour pas chambouler leurs habitudes, petit à petit, tu fais comprendre aux joueurs que maintenant, ça va être à eux de s'adapter à toi. Puisqu'au final, ils sont là dans un contexte où ils viennent à la PSG Academy, donc ils veulent un savoir-faire PSG. Donc à ce moment-là, s'ils veulent un savoir PSG, eux, toi, ayant une culture française, au final, Cédric Catenois n'a rien révolutionné, tu vois. Mm-hmm. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Aucun, il y a, à notre niveau, surtout à des niveaux comme ça, personne n'a révolutionné quoi que ce soit. Bien sûr, ouais. Les contenus d'entraînement sont les mêmes partout. Après, c'est la pédagogie et la sensibilité de chacun qui fait que ça va amener des différences. Donc, à ce moment-là, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, là, c'est au joueur de s'adapter à toi. C'est ce qu'en fait, je me mets à la place du joueur. Je suis joueur, il y a un coach qui arrive, tout de suite, il m'impose ses trucs. Tu peux mal le prendre, tu vois. Mmh, bien sûr. Parce que toi, tu te dis, je suis là, lui, il arrive comme ça et il va imposer sa loi. Tu vois, je me dis qu'au final, arriver, essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'il y a forcément des choses intéressantes à apprendre dans cette culture-là et dans leur fonctionnement, et intégrer ces choses-là, toi, dans ce que tu sais faire, pour qu'eux gardent quand même certains repères dans ce qu'ils connaissent, et que derrière, ils découvrent des choses qu'ils ne connaissent pas. Tu sens qu'à ce moment-là, il y a des trucs qui passent bien, auxquels tu ne t'y attendais pas. Est-ce que tu sens que là, il y a des trucs par rapport à ta personnalité et à ton profil, au profil d'entraîneur que tu as développé? Est-ce que tu sens que là, il y a des trucs qui passent pas? cette époque-là, sur la première année que je fais au Canada, c'est le problème que je rencontre encore aujourd'hui, même si ça fait il s'est écoulé 4 ans entre mon premier séjour au Canada et celui que je fais actuellement. Mais c'est toujours le même problème, c'est que les joueurs ont du mal à accepter la critique. D'accord, vas-y, je t'en prie. Un truc que j'ai remarqué qui a du mal à passer, c'est que en fait, le souci, je pense, après je peux me tromper, je pense que dans les clubs, peut-être aussi les parents, hein, je ne sais pas, mais les enfants sont trop surprotégés. D'accord. Les enfants sont surprotégés, et donc, même quand ça va mal, on leur dit pas. Tu penses que c'est une bonne chose? Tu partages pas cette opinion? Honnêtement, je pense, moi, dans ma manière de voir les choses, c'est pas une bonne chose. D'accord. Parce que je considère que c'est dans la difficulté, dans l'échec, qu'on progresse. D'accord. Si on dit à un garçon que tout va bien, alors qu'il y a des choses qui vont pas, il va continuer à faire les mêmes erreurs. D'accord. Et ça, je trouve que c'est un problème ici. La critique est mal acceptée. Mmh. Je le vois même quand, tu sais, des fois, on fait des tests. Quand on leur rend leur fiche de test et qu'il y a des notes, par exemple, je sais pas, sur notes sur le jeu, tu vois. Et la note est pas forcément mauvaise. Hein. On va dire une note sur 20, le joueur a 15 sur 20. T'as des parents qui sont capables de penser que c'est une mauvaise note. D'accord, on peut en parler un peu des tests sans rentrer dans les détails précis, si c'est privé ou si c'est parce que il y a sûrement eu du travail, mais là j'avoue que tu éveilles ma curiosité. Ça consiste en quoi? À quel moment vous le faites? Pour quelles raisons? Et puis on les fait sur toutes les catégories. D'accord. Combien de fois de par l'année? Enfin, combien de fois dans l'année? Trois fois dans l'année. D'accord. Okay. Un au tout début de saison. Un au milieu et un en fin de saison. D'accord. Et évidemment, les tests sont adaptés en fonction de la catégorie. Ok. C'est-à-dire que c'est les mêmes tests avec un des niveaux de difficulté ou c'est différents tests? Exactement. En fonction de l'âge. C'est les mêmes tests avec des niveaux de difficulté différents en fonction des catégories d'âge. Ok. Enfin, le seul test, non, le seul, il y a deux tests. Sorry. On n'a pas demandé le même niveau de jonglerie à un U9 qu'un U14. Bien sûr. Et le deuxième test où il y a un niveau, c'est sur un test de prise d'information. D'accord. Où là, on a fait des niveaux aussi pour simplifier les choses pour les plus jeunes. Donc vous évaluez les joueurs et ensuite il y a une évaluation. Il y a un résultat. On fait des évaluations donc, sur le plan technique. Donc, conduite de balle, jonglerie, prise d'info. D'accord. Après ça, sur les plus grands, on peut être amené aussi à faire un test physique. D'accord. Et après ça, c'est une évaluation sur le jeu. Est-ce que tu es en mesure d'avoir assez de recul pour maintenant saisir la pertinence de ce test, l'intérêt et la pertinence? Tu penses qu'il y a eu un impact positif chez les joueurs, chez les éducateurs, chez... J'ai remarqué une chose, notamment sur l'aspect qui est le plus visible, on va dire, de l'évolution de ce test, c'est sur la conduite de balle. C'est sur la conduite de balle, on est sur le double 8, comme en France. D'accord, oui. J'ai des garçons qui avaient certains résultats au mois de septembre. Aujourd'hui, au mois de février, quand on a refait les tests au mois de février, il y a des garçons qui ont gagné 1 à 2 secondes sur ces tests-là. Mm-hmm. C'est énorme. D'accord. Sur la conduite de balle, tu gagnes 2 secondes sur un adversaire. C'est énorme, tu vois. Mm-hmm. Donc, je trouve que ce test-là est intéressant. Parce que c'est vraiment le test le plus visible. La jonglerie, il suffit que le garçon soit dans un mauvais jour. Ah, il n'est pas à l'aise, il est stressé. Exact, exact, exact. Ça ne va pas refléter réellement son niveau technique. La prise d'information, en fait, si tu vois, on est sur une passe de 10 mètres. Et dans ce temps de passe de 10 mètres, en fait, on a 3 carrés derrière le joueur qui doit recevoir le ballon. Et tu as 2 joueurs qui se déplacent dans 2 des 3 carrés. Et lui, sur sa prise d'info, doit se déplacer dans le carré qui est libre. Tu vois. Mm-hmm. sur sa prise de balle doit être orientée vers le carré libre. Ça aussi, c'est pareil. Il suffit que le joueur il soit fatigué ce jour-là, ça reflète pas forcément sa capacité à prendre l'information sur un match. Mmh. Le test le plus visible, pour moi, ça reste la conduite de balle. D'accord. Dans... C'est là où tu vois si ton joueur réellement a travaillé et a progressé. D'accord. Dans un contexte ou une culture où justement au Canada où les notes, les évaluations, c'est pas toujours bien perçu. Comment les parents dans une académie de football, là où ce serait plus tu sais la passion, le loisir, comment c'est passé auprès des parents? Écoute, bizarrement, c'est très bien passé. D'accord. Pourquoi c'est bien passé? Parce que ils n'avaient jamais vu de club faire de tests comme on les faisait. D'accord. Après, la notation, bon, elle est ce qu'elle est, tu vois. Mm-hmm. Et nous aussi, on n'est pas bête, on va dire, dans le sens où on reste une académie. Ça reste un business, hein, on va pas se le cacher. Donc, il y a deux écoles. Soit on est très honnête avec les joueurs et les notes peuvent être moyennes. Soit tu as des académies qui vont pas forcément PSG, hein, attention, hein, mais soit tu as des académies qui vont gonfler les notes pour fidéliser les joueurs, tu vois, que les parents soient contents, donc le joueur est content. D'accord. Et tout dépend ce que tu recherches, tu vois. Tu parles d'autres académies au Canada ou d'autres académies que tu as côtoyées? Au Canada ou ailleurs, hein, j'en ai vu un peu partout, dans leurs résultats de test, et des fois on essaie d'être gentil pour encourager le joueur. Et encore une fois, c'est deux écoles. Est-ce que gonfler sa note, ça va réellement l'aider à progresser? Plutôt de le mettre face à la réalité. Tu vois? C'est une réflexion à avoir. D'accord. Moi, je préfère être honnête avec les joueurs. D'accord. Forcément, je pourrais encore poser des questions encore et encore. C'est pas la première fois que je le dis là dans cet échange, mais j'ai envie justement là d'aborder un autre point avec toi. Ton parcours est riche de ce que tu m'as déjà partagé. Donc, si je dis pas de bêtises, t'as eu notamment l'occasion de te rendre pour l'académie du PSG, donc au Canada, en Floride, en Angleterre, il y a peut-être un autre endroit où tu es allé. Je suis allé à Oman. D'accord, ok, moi j'étais pas sûr, mais très bien. Là, on pourrait passer des heures, c'est pas l'idée. Mais pour t'introduire un peu ce que j'ai en tête et ce que j'aimerais que tu me partages, c'est les idées que j'ai en tête. C'est en tant qu'éducateur, quand tu te déplaces dans différents pays, t'es amené, on va encore utiliser le mot pour la troisième ou quatrième fois, t'adapter. Quelles sont les choses qui t'ont frappé? C'est-à-dire, probablement, t'es amené à transmettre un contenu qui est à peu près proche, parce que c'est la même académie. Comment toi, en tant qu'entraîneur, quelles sont les différences que tu perçois et les anecdotes que tu vas peut-être pouvoir partager à ce propos entre les différents joueurs que tu as entraînés dans différentes académies et dans différents pays dans ce monde. Mmh. Et puis comment dans cet environnement-là, ça modifie, si c'est le cas, l'entraîneur et le pédagogue que tu es? C'est une large question, mais je t'en prie. Vas-y. Non, mais je vois où tu vas en venir. Avec toutes les expériences que j'ai eues, la première chose dont il faut prendre conscience, c'est que la culture du foot est différente d'un pays à l'autre. Ça, c'est la première chose. Alors après, c'est je frappant. Pas de l'Angleterre. Que... Ça, c'est frappant, ça. Ouais, ça, c'est le plus frappant. Je ne vais pas te parler de l'Angleterre, parce que l'Angleterre, ça reste un pays de football. D'accord. Donc, même s'ils ont un football qui peut être différent au-dessus de la France ou que l'Espagne, par exemple, tu vois, chacun a sa manière de jouer un peu différente, c'est moins criant que quand tu arrives aux États-Unis ou au Canada. Où là, la culture est totalement différente, puisque l'exemple le plus frappant, c'est la capacité des jeunes garçons et filles de regarder un match de foot. On parle quand du Canada. Sûr, quand on parle du Canada, ouais, là, quand les matchs sont diffusés à 15h et que les enfants sont à l'école, c'est différent de l'Europe où bah, le garçon à 21h il est chez lui. Ouais, les matchs qu'on lit en Europe, ouais. Tu vois, c'est super compliqué. Donc, et le problème, c'est que eux, ces garçons au Canada et aux États-Unis, les joueurs qu'ils admirent, c'est des joueurs européens. C'est pas les joueurs de la MLS. Pour beaucoup, c'est des joueurs européens. Et tu sens qu'ils ont un manque de culture foot, de connaissance de ce sport, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le voir, en fait. Ou du moins, ce qu'ils voient, ce qu'ils vont voir, c'est la MLS. C'est totalement différent, tu vois. C'est totalement différent, comme je dis toujours, et à chaque fois, on me prend un peu pour un fou, mais le soccer et le football sont deux choses différentes pour moi. On me dit, oui, t'es trop pointilleux, t'es trop dans le détail. Et justement, le propre de tout sport, c'est les détails. C'est les détails qui font la différence. Et aujourd'hui, en tout cas moi au Canada, depuis que je suis revenu au mois de septembre, c'est vrai que beaucoup des jeunes que j'entraîne, garçons et filles, ont pour objectif d'apprendre le football. C'est clairement eux ce qu'ils me disent. Ils commencent à avoir conscience qu'il y a une différence entre le soccer et le football. Donc, c'est vrai que la culture est différente, donc tu dois t'adapter aussi à cette culture, tu vois. Parce qu'il y a des choses que tu vas leur demander, ils ne savent pas ce que c'est. Donc toi, tu peux... Toi, quand tu vis le truc, tu te dis, mais c'est pas normal qu'ils sachent pas, mais en prenant du recul, si, c'est normal qu'ils ne sachent pas. Parce qu'on leur a pas appris. Alors quand t'es sur des tout-petits, c'est plus simple, puisque c'est des éponges à cet âge-là. Tu peux vite leur apprendre des choses. Et quand t'as des joueurs de 13, 14, 15 ans, à qui on n'a jamais appris certaines choses, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et c'est vrai que la culture d'un pays à l'autre est totalement différente. Quand je suis au Canada, c'est une culture. Quand j'ai passé 2 mois en Floride, c'était encore une autre culture, parce que là, j'avais une culture qui était beaucoup plus proche, on va dire, de la culture d'Amérique latine. Tu vois, parce que t'es proche de l'Amérique latine quand t'es à Miami. Intéressant, très intéressant. Donc j'avais beaucoup de joueurs latino-américains, tu vois. D'accord. C'est quoi, mexicain, colombien? J'avais mexicain, beaucoup de mexicains, beaucoup de colombiens. D'accord. Donc au final, c'est encore une autre approche, tu vois. Bien sûr, intéressant, ouais. Où là, quand j'étais à Miami, j'avais des joueurs qui étaient très, très techniques. Mais c'était très individuel, tu vois. D'accord. C'était beaucoup plus spectaculaire. C'était une recherche de spectacle. Mais il n'y avait pas d'intelligence collective entre eux. En fait, tout était fait à l'instinct. Tu sais, c'est comme quand t'es petit et que tu joues dans la cour d'école. D'accord. Tout est fait à l'instinct. C'est de l'instinct. T'es là, c'est le joueur en face de toi. Tu vas voir le dribbler. Si tu vois une solution de passe, tu vas la faire. Mais rien n'est réfléchi. Tu fais tout à l'instinct, tu vois. D'accord, ouais, extérieur de pied, pointe de pied, talonnade. Voilà, tu vois, c'est de l'instinct. Parce que derrière, à Miami, quand on rentrait dans des situations tactiques, où là, je leur demande de réfléchir avant de faire les choses, tu te rends compte que là, ça devient plus compliqué. On est en anglais à ce moment-là. À ce moment-là, ouais, je suis totalement en anglais. Pas en espagnol. Ouais. Non, je suis totalement en anglais, tu vois. Mais tu te rends compte que c'est compliqué parce que là, il faut réfléchir avant de faire les choses, parce qu'on va on cherche à travailler quelque chose de précis. Tu dis une bêtise, on va travailler jeu à 2 à 3 dans les couloirs. On va travailler quelque chose de précis sur l'entraînement. Et donc là, il faut une réflexion. Et là, cette réflexion, là, c'est là où ils perdent leurs moyens. Parce que comme ils mettent trop de temps à réfléchir, c'est là où il y a des pertes de balles, parce que le temps de réflexion est trop long, l'analyse n'a pas été bonne, on va rater sa passe, on va rater son contrôle, tu vois. C'est toujours différent. Pourtant, la culture est présente là. La culture est présente. La culture est présente. Mais après, quand tu es dans la recherche de ce que le PSG veut mettre en place, c'est là que je te rends compte que d'un pays à l'autre, t'as pas les mêmes problématiques. Vas-y, je t'en prie. En Angleterre, par exemple. J'adore les anecdotes, Adrien. Tu peux y aller. En Angleterre, par exemple, tu vois, je vais pas te mentir, le projet en Angleterre, j'avais du mal à comprendre comment il allait fonctionner. Comment il allait fonctionner ou comment il avait fonctionné? Ouais. Non, comment il allait fonctionner. Ok. On arrive dans un pays de football. D'accord. Où il y a un nombre incalculable de clubs professionnels. Moi, je me suis dit, dans quelle mesure on va concurrencer. On allait pouvoir arriver et proposer quelque chose de nouveau, tu vois. D'accord. Parce que t'es quand même en Angleterre. Tu sais, c'est le pays du football, on va dire. Mmh. C'était à Londres à ce moment-là? J'étais à côté de Blackpool. Blackpool, d'accord. Pareil, sur l'Angleterre, j'ai vadrouillé un peu. J'étais à côté de Brighton. J'ai fait à côté de Blackpool. Je suis parti pas loin de Newcastle aussi. D'accord. Ok, bon, désolé, je t'ai coupé, mais tu voulais aborder quelques anecdotes justement. Ouais. Ouais, je me dis, bon, comment ça va fonctionner, tu vois. Donc là, en fait, t'arrives avec des joueurs, et tu sens tout de suite qu'il y a une culture foot. Tu le sens tout de suite. Genre, ils sont à l'aise, ils ont un jeu qui est très direct. Comme en Angleterre, tu vois, c'est très direct. Et par la passe, par le jeu vers l'avant, par... Le jeu vers l'avant. Alors, généralement sur du jeu long. D'accord. Et en fait, il fallait leur apprendre à garder cette culture de jouer vers l'avant rapidement. Qui est intéressante. Ouais. Qui est super intéressante, mm-hmm. Mais être capable de le faire au sol. D'accord. Pour faciliter, la fluidité du jeu, tu vois. Mm-hmm. Parce que c'est plus simple pour un joueur de recevoir un ballon au sol et d'enchaîner que de recevoir un ballon aérien, d'aller peut-être au duel, de le mettre au sol et d'enchaîner. Tu vois, donc... C'était totalement différent. Mais après, en Angleterre, je suis arrivé, honnêtement, j'étais ébloui. Pourquoi? Parce que on avait des installations dans une école. C'est un gros campus en Angleterre. Et en fait, pour la première fois, je me déplaçais sur un pays où les terrains étaient en herbe. Ok. D'accord. Et... Dans les écoles, uniquement de l'herbe. Ok. Terrain de foot? Et là, pour le terrain de foot, que de l'herbe. Il y avait l'herbe des buts. Partout. Des buts, tout ce que tu voulais. Il y avait la ligne et tout, la ligne avait, de touche. Il y avait, sans te mentir, je crois qu'il y avait sur cette installation, il y avait 3 terrains de foot. Ok. Il y avait 3 terrains de foot, il y avait une piscine, une salle de sport. Enfin, il y avait. Parce que c'était une grosse école ou c'était un gros pôle de rugby aussi, tu vois. D'accord. Ok. Et en fait, il y a un matin, je me rappellerai toujours, un matin, j'arrive sur le terrain à 7h. Et en fait, je vois le jardinier qui est là qui tourne la pelouse. Mais je te promets, Thomas, je l'ai vu tourner la pelouse, je suis rentré sur le terrain, c'était un billard. Je me suis cru en première ligue. Et en fait, j'ai demandé après au franchisé en Angleterre qui c'était. Et il m'a dit que c'était l'ancien jardinier de Southampton qui était là. Et le mec, je me rappellerai toujours, le lendemain, il est venu me voir. Il m'a dit, ah, c'est bon, le terrain, il est bon pour toi. Je dis, moi, j'en sais rien. Je dis, c'est toi qui as été jardinier. C'est toi qui sais si le terrain est parfait ou pas. Il me dit, non, franchement, là, voilà. Il m'a dit, tous les matins, je vais le tourner. Pour te le remettre à plat, qu'il soit bien. J'ai dit, franchement, magnifique. Et il arrive même à me dire, si tu veux, je peux même dessiner le logo du PSG au milieu du terrain. Je lui ai dit, ne te prends pas la tête. Déjà, la pelouse, elle est claire. J'ai pas besoin de plus. Et pour te dire comment, tu vois, c'est une autre culture encore. Oh là là. Le mec était prêt à dessiner le logo du PSG au milieu du terrain. Avec sa tondeuse. Je me suis dit, non. Je me suis dit, où est-ce que je suis tombé, tu vois. Et c'est là où tu t'imprègnes de la culture anglaise. Et franchement, j'ai passé des séjours en Angleterre parce que j'y suis allé pendant 3 ans. Je faisais des allers-retours entre l'Angleterre et la France. À chaque fois, j'étais super bien accueilli, tu vois. super bien accueilli. Et en fait, en Angleterre, si tu veux, on était sur uniquement des stages pendant des vacances. D'accord. Il n'y en avait pas encore réussi à ouvrir une académie à l'année. D'accord. Et ce que j'ai apprécié sur l'Angleterre, c'est que ils ont été à l'écoute de mon expertise, de mon expérience. C'est qui ils? Je leur ai dit que si. Comment? C'est qui ils ont été à l'écoute? Les franchisés. D'accord. Okay. Les franchisés en Angleterre ont été à l'écoute de mon expérience, tu vois. Des gens du foot? Où je leur ai dit, voilà. Ouais, c'est des gens qui n'étaient pas forcément du foot. D'accord. Pas forcément du foot. Le franchisé en Angleterre, c'est quelqu'un qui gère une entreprise de séjour linguistique. D'accord. Ok. Donc, qui organise beaucoup de séjours linguistiques pour les jeunes. Tu vois, des échanges où ils viennent pendant les vacances, ils ont des cours d'anglais et des activités l'après-midi. Et en fait, il avait vendu ça à travers aussi l'Académie PSG qu'il avait récupéré, où il faisait cours d'anglais le matin pour les joueurs et foot l'après-midi. Donc, la première année, si tu veux, j'avais des joueurs. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le projet en Angleterre. C'est que j'étais parti un mois et demi durant l'été 2016. Et sur le programme, j'avais des joueurs qui venaient de partout dans le monde. D'accord. Donc, et en fait, ils ne parlaient pas tous anglais, tu vois, parce qu'ils venaient pour apprendre l'anglais, tu vois. Et... J'avais des Français, d'accord. J'avais des Russes, j'avais des Allemands, j'avais des Roumains, incroyable. J'avais des Espagnols, j'avais des Chinois. Ils venaient jouer au foot. Et le seul langage qui le seul moment où on se comprenait tous. Body language. Sur le foot. Ah là là. Oh, vas-y, raconte-moi là. Et ça franchement, ça a été la plus honnêtement avec ce que j'ai vu au Canada aujourd'hui, qui est une très très belle expérience. Mais l'Angleterre. Sur ces séjours linguistiques que j'ai faits, je pense que c'est la plus grosse richesse que j'ai pu avoir. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Des enfants qui viennent de partout dans le monde, qui, au final... Passionnés de foot, quand même? Passionnés de foot, tous. D'accord, ok. Tous passionnés de foot. C'est quand même le dénominateur commun qui est extrêmement intéressant. Mais c'est ça, en fait. Et c'est là que je me rends compte que le foot, ça rassemble. Ouais. Voilà, ça rassemble, et c'est ce que je dis un peu à tout le monde, c'est que les garçons qui viennent à l'académie ou les filles, je suis pas là pour, enfin, on n'est pas là pour en faire des joueurs professionnels. Si déjà ils en sortent avec, je t'ai dit, une expérience de vie, de vie commune, des souvenirs en commun avec d'autres personnes, c'est déjà énorme, tu vois. Ils sortent de là avec des principes, des valeurs qui vont continuer à partager tout leur vie, c'est le plus important. Mais tu vois, en Angleterre, avoir des garçons qui venaient de partout dans le monde, qui sur le terrain arrivent à se comprendre. Et qui au final, au départ, en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient cours d'anglais en fonction de leur niveau, tu vois. Donc ils se retrouvaient l'après-midi avec moi sur le terrain. Mais le truc, c'est que le midi, ils mangeaient pas ensemble. Parce qu'ils étaient avec leurs camarades. Parce que souvent, c'était des organismes qui organisaient les voyages, tu vois. Donc t'avais le groupe d'Espagnols ensemble, les Chinois ensemble, etc., etc. Et moi, ça me dérangeait, tu vois. Ça me dérangeait d'avoir des joueurs qui venaient s'entraîner l'après-midi et qui passaient pas de temps ensemble en dehors du terrain. Donc, j'ai laissé passer 2-3 jours comme ça. Après, j'ai demandé aussi au responsable qui était avec moi, qui gérait tout le séjour linguistique, si ça le dérangeait que je mette quelques règles en place sur l'académie football du programme. Il m'a dit non, fais comme tu veux. Et c'est là que je les ai obligés le midi à manger ensemble. Ils ont quel âge, les enfants, les joueurs? À ce moment-là, j'ai des joueurs qui ont entre 10 et 14 ans, je crois. D'accord. C'est un peu mélangé. D'accord, uniquement garçons? J'ai pas... uniquement. À ce moment-là, j'ai que des garçons. Ok. Donc, ouais. La première année, j'ai que des garçons. Ok, merci. Donc, ouais, tu mets en place certaines règles. Je mets en place certaines règles. Tu vois que voilà, le midi, comme juste après le repas du midi, ils allaient sur le terrain. Je leur ai dit, le midi, vous mangez ensemble. Et ensuite, vous venez tous ensemble sur le terrain. Et rien que le fait d'avoir mis ça en place, sur le terrain, ça a facilité tellement de choses. Sur le fait qu'ils passent du temps ensemble, ils avaient créé des liens, ils avaient pris le temps de discuter et d'échanger aussi en dehors du terrain. Donc, sur le terrain, ils commençaient à se comprendre. Ils s'apprenaient des mots dans chacun dans leur langue, tu vois, aussi le mythe. Donc, il y avait un vrai échange culturel. Et pour moi, ça, c'était magnifique, tu vois. Au-delà du, c'était, ça devenait au-delà du football. D'accord. C'était vraiment au-delà du football. Adrien ? Ouais. Là, je te laisserai parler pendant longtemps, là, parce que là, j'ai encore quelques questions. Dis-moi, ça fait 1h30 qu'on y est. Est-ce que tu veux faire une pause ? Est-ce que tu veux continuer ? Est-ce qu'on s'approche de la fin ? Comment tu veux gérer ça ? Non, non, on peut continuer. Ouais, d'accord. Ok. On peut parler encore 3 si tu veux. T'as dit quoi ? Je peux parler encore 3 heures si tu veux. Ok, non, je me régale. Je veux juste que tu le saches. Je voulais juste voir comment toi tu vas. Est-ce que si tu veux faire une pause, manger un truc, boire un truc, aller aux toilettes, c'était au cas où tout va bien ? Non, non, t'inquiète, là, tout va bien. Ok, génial. Parfait. Ok, cool, bah, je te remercie. Non, moi j'ai tout mon temps, je me régale. C'est ouf. Mais je savais, mais c'est ouf. Merci de partager, hein, j'insiste beaucoup. Ah, mais, écoute, ça me fait plaisir. Ouais. Pour te dire, c'est la première fois que je partage tout ça, tu vois. Ah, mais moi je passe tout ça, même si j'en ai partagé un peu avec mes meilleurs potes. Mais ouais. Tu sais, il y a des trucs que je garde aussi un peu pour moi parce que tu sais, c'est un peu. Tu sais, c'est mon petit jardin secret, on va dire, tu vois. J'ai envie de partager, tu vois ce que je veux dire. Mais, d'accord. Mais non, je t'ai dit, voilà, pour en revenir sur l'Angleterre. Ouais. Je t'ai dit, c'était d'une richesse culturelle. C'était incroyable. Quand je suis rentré en France après ça, j'étais pas bien parce que je me suis rendu compte de ce que je venais de vivre, en fait. Et je me suis dit, ça, c'est des trucs que tu vivras pas tous les jours. Il y a eu cette fois-là, et une fois où je suis parti 2 semaines, aux vacances de Pâques, 2017, si je te dis pas de bêtises. Ouais, 2017. Mon anniversaire tombait durant la semaine. Et là, pour le coup, je connaissais aucun joueur. Je venais d'arriver. C'était une nouvelle équipe qui travaillait avec moi, sur place. Et 2 jours après, c'était mon anniversaire, je crois. Donc, pour le coup, je connaissais personne. Et là, t'as tous les enfants qui avaient fait des cadeaux et des gâteaux pour moi pour mon anniversaire, tu vois. Alors que je les connaissais pas du tout. Comment ils le savaient ? Je pense que c'est le franchisé qui a dû leur dire. D'accord. Et tu vois, ça, je m'y attendais pas du tout, tu vois. Et même ça, j'ai trouvé ça fou. Du coup, moi, je voudrais... Pour te dire, cette année-là, on s'est retrouvé avec 80 gamins. Le dernier jour, le jour où les parents sont venus les récupérer, j'ai dû faire un discours devant 80 parents anglais. Je te cache pas que j'étais pas forcément très à l'aise. Parce que j'ai pas de problème de parler en public, mais voilà, là on était dans une salle, un genre d'auditorium, tu vois. C'était très, très, très, très sérieux, tu vois. J'étais sur une estrade avec un micro. J'étais pas le plus à l'aise possible, tu vois. Mais pour te dire, quand les enfants sont partis, je me suis retrouvé à signer leur maillot. Pour moi, c'était impensable, ce genre de choses, parce que je suis personne, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est marrant, c'est une phrase que je dis souvent, mais ok. Je me retrouve là à signer leur maillot, à signer des feuilles, comme si j'étais quelqu'un, alors que, enfin, on a juste passé une semaine ensemble où on a échangé et je leur ai apporté tout ce que je pouvais leur apporter durant une semaine, tu vois. Mais pour en venir à ta question de départ, qui était différence de culture. Le plus visible, honnêtement, oui, c'est sur le Canada, parce que c'est quand même là où j'ai passé le plus de temps. D'accord. Et culturellement, oui, tu sens qu'il y a des grosses différences. Et pourtant, dans la connaissance du jeu, dans le vocabulaire. Dans le vocabulaire. Dans la préparation d'un match. D'accord. Parce que tu vois, je me suis rendu compte que t'as des. Durant l'hiver, en tout cas, j'ai pas encore fait des matchs durant l'été ici, donc je sais pas comment ça se passe. Et par exemple, durant l'hiver, des fois, tu vas sur des terrains où tu n'as pas de vestiaire. Et même sur les terrains où il y a des vestiaires, généralement, les joueurs arrivent tout de suite tout habillés, tu vois. Alors, je sais pas si toi, c'était pareil quand t'étais sur Gatineau. C'est exactement pareil et j'en ai déjà parlé dans le premier podcast que je partagerai incessamment sous peu. Effectivement, c'est un détail que mon interlocuteur Maxime Chalier justement avait déjà abordé. Moi, j'en parle souvent parce que bon, c'est un détail qu'on ne peut pas y échapper. C'est ça, en fait, tu vois. Et moi, quand je suis arrivé, c'était pas pensable. C'était pas pensable que tu arrives tout habillé sur le terrain. Encore une fois, t'es obligé de t'adapter. Exact. C'est pas dans la culture, tu vois. Même quand il y a un vestiaire, ils arrivent tout habillés. Ils mettent juste leurs crampons, ils vont sur le terrain. Tu vois, et ça pour moi, c'était pas pensable. Même se dire bonjour quand ils arrivent sur le terrain. Ils le font pas non plus, tu vois. Comment tu fais pour t'adapter Bon, à ces changements, à cet environnement-là? au départ, tu prends sur toi. Première chose, tu prends sur toi. Parce que tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas ce qui est en train de se passer. Donc tu laisses passer une fois, deux fois. Et puis après, tu dis, non, on va poser des règles. Des règles de vie. On vit en communauté pendant une saison. On ne peut pas arriver, ne pas se dire bonjour, ne pas se dire au revoir. Donc derrière, tu arrives et tu poses des règles de vie. Tu poses un cadre. Le cadre, tu partages aux joueurs, mais tu le partages aux parents aussi. Comme ça, tout le monde est conscient qu'il y a des règles de vie. Et tout de suite, ça crée une émulation, en fait. Tu vois. Parce que déjà, les joueurs se disent bonjour entre eux, ils viennent, ils te saluent, ils saluent les autres coachs. Donc, tu retrouves un peu cette unité club comme on peut trouver en France, tu vois, qu'on essaie de mettre en place. Et puis, tu es dans une académie PSG, donc tu essaies d'avoir un savoir-faire français, tu vois. Donc, essaies de poser des règles que tu as l'habitude de voir en France. Et tout ça, ça amène petit à petit des changements. Tu vois, ça amène des garçons qui discutent entre eux, qui font la connaissance d'autres personnes, qui disent bonjour un peu à tout le monde, qui ça leur inculque des valeurs, des principes. Et petit à petit, les garçons sont un peu plus modulables. Mais c'est vrai qu'au départ, tu fais face à des trucs, tu te dis, oh, ça existe vraiment en fait. Tu vois. Je vais peut-être poser une question qui se pose peut-être pas forcément. Je sais pas trop comment gérer, mais il y a vraiment pas de bonne réponse. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui te persuade que tu as raison dans cette démarche-là, de les bousculer un petit peu pour justement, par exemple, les inciter à se dire bonjour? Alors, j'ai raison, je sais pas, je vais pas te mentir, je sais pas si j'ai raison, D'accord. mais je me dis que on est un groupe, on vit ensemble, on échange, on passe beaucoup de temps ensemble, et que c'est quand même important qu'on ait certains gestes. De manière à créer, on va dire, entre guillemets, une fraternité, tu vois. Du lien. Voilà, créer du lien, tu vois. Qui est délit. De toute façon, le sport collectif est un vecteur de lien. Caractère, différentes personnalités. Et moi, je vois le sport collectif comme un miroir de la société. Parce que dans un sport coach, il y a différents caractères. Tu as des garçons qui sont timides, d'autres qui sont plus expressifs. Tu as des forts caractères, tu as des personnes un peu plus effacées, tu as des leaders. Tu as des gens qui sont opportunistes, tu as des gens un peu plus égoïstes. Au final, à travers le sport coach, ils font face à ce qu'ils risquent de retrouver dans leur vie de tous les jours. Et dans leur vie de tous les jours, ils vont checker leurs copains. Pourquoi ils ne le feraient pas à l'académie, tu vois? Exact, En fait, je suis exact. parti, en fait, je suis parti dans cette notion-là, tu vois, où je t'ai dit, je me suis adapté à eux. J'ai essayé de savoir comment eux fonctionnaient avant de leur imposer un cadre. Complètement, Tu vois, exact. c'est s'immiscer dans leur vie pour derrière prendre ce qu'il y a de bon et toi apporter un plus et bonifier tout ça, tu vois. Il est vraiment nécessaire de comprendre le joueur. C'est important. Même dans la même le langage corporel d'un joueur en dit long sur son caractère dans la vie de tous les jours. Tu vois qui, au moment de faire une passe, rentre sa tête dans les épaules et un peu sur le reculoir, tu sais que c'est un garçon qui est introverti, qui a peur de mal faire. qui dans la vie de tous les jours doit être pareil, il doit être timide et il doit être toujours dans la peur de dire quelque chose pour, par peur que ce soit mal interprété ou que s'il est faux, les autres le regardent bizarrement, tu vois. Ok, parfait. Bon, comme on est parti un petit peu, mais je suis tout à fait ouvert à ça. Moi, je vais te revenir quand même à ton expérience en Angleterre, parce que tu m'as capté là. Pourquoi ? Parce que, comme tu le sais, je suis actuellement en Corée du Sud. Je suis parti dans un petit défi personnel que je me suis lancé depuis quelques mois, où en tant que éducateur, en tant qu'entraîneur. Je voulais vivre une expérience un petit peu différente, l'espace de quelques mois justement, et d'entraîner, ou plutôt d'entraîner, de transmettre, de partager une façon différente d'entraîner. Je voulais mettre dans un contexte où je n'avais pas le choix, et justement dans cette situation où y a la barrière de la langue, et que voir ce qui allait se passer. Alors, je ne le ferai pas éternellement parce que c'est pas... parce que je rechercherai probablement pas ça à long terme, mais c'est l'expérience de quelques mois. Et justement, là, tu m'as capté, c'est exactement ce que je vis. Donc, du coup, j'ai quelques questions pour voir comment tu as vécu le truc, et puis si je peux peut-être récupérer quelques astuces. Tu es en Angleterre, tu me parles de séjour linguistique, notamment par le biais du foot. Tu as différentes cultures, donc c'est pour ça que je reviens un peu à ce qu'on parlait il y a une quinzaine de minutes. Je serais curieux de savoir comment tu gères ça. C'est-à-dire, tu l'as probablement jamais fait. Tu dis que c'est une des expériences les plus enrichissantes de ta vie. Si tu as reçu quelque chose, je dis pas que j'ai raison, mais c'est mon opinion. Je pense c'est que tu as donné énormément. Et donc, je serais curieux de savoir le cœur que tu as mis, comment ça se fait que tu as autant donné, et comment tu as transmis, comment tu as adapté ta planification sur la semaine, comment tu as adapté ton contenu, et puis surtout ce qui m'intéresse le plus, c'est au moment de, t'as parlé surtout de cadre de certaines règles, ça extrêmement intéressant, mais aussi au moment où t'es dans les séances, qu'est-ce qui se passe quoi, comment tu gères ça, comment tu t'adaptes, comment tu mets en place, est-ce que tu... Bref, je pense que tu as un peu compris un peu où je voulais en venir. Alors, sur les séances, comment je pourrais te dire ça ? Le cadre de séance, au final, bon, j'ai gardé le même que j'avais d'habitude, hein, c'est le même fonctionnement avec les procédés d'entraînement. Après, c'est plus sur la pédagogie, tu vois. Sur la pédagogie et l'animation. J'allais beaucoup plus être dans un rôle de... Comment dire dans un rôle de professeur, on va dire, tu vois. D'accord. Où j'allais être beaucoup plus... J'allais quand même marquer... Je marque beaucoup plus de temps d'arrêt ici au Canada que j'ai l'habitude de marquer de temps d'arrêt quand je suis en France. Tu vois. Des arrêts flash, j'en fais beaucoup plus ici. D'accord. Parce que forcément, il y a beaucoup plus de choses à corriger. Mais tu vois, en France, où je serais peut-être plus exigeant avec les joueurs parce qu'ils ont une connaissance déjà au départ, ici, je suis un peu plus souple. Dans le sens où les joueurs, quand des fois, tu peux être amené à essayer de les bousculer. Mmh. Tu vois. Ouais. Quand on dit pour qu'il y ait une réaction. Ici, je le fais beaucoup moins. Ici, je le fais beaucoup moins parce que je considère qu'ils n'ont pas encore assez de connaissances pour que je me permette de faire ça. Parce que je me dis que si je fais ça, le joueur, je vais le perdre. Parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi je le fais. Donc, tu sais, je suis plus dans ce rôle de. Je suis très calme. On corrige. On explique. J'essaie de les amener à trouver un maximum de réponses, mais tout en restant très très calme, tu vois. Alors que quand j'entraînais en France, j'allais être très très très exigeant. Parce que les joueurs ont déjà une culture, ont des connaissances, ont été formés, parce que bon, c'est des garçons que je connais depuis longtemps, qui étaient au club pendant longtemps, dans les différents clubs où je suis passé, donc je sais qu'ils ont des connaissances. Là, j'arrive dans un contexte où les garçons qui viennent à l'académie ont leur club à côté. Et dans leur club, on leur apprend pas la même chose que nous, on leur apprend. Donc déjà, il y a un double discours qui se met en place. Donc à travers ce double discours, t'as le joueur qui est au milieu. Et le joueur, il se retrouve avec deux pédagogies. Il faut qu'il fasse un choix. C'est comme si on lui demandait de choisir entre son père et sa mère. À un moment donné, le garçon, il est perdu. Là, c'est la même chose. Si moi, je lui dis de faire quelque chose, mais que son coach, dans son club, lui dit de faire autre chose, ou lui dit, qu'il lui dit que moi, ce que je lui demande, c'est pas bon, et que moi, je lui dis, ce que ton coach te demande, c'est pas bon, le petit sait plus quoi faire à ce moment-là. Exactement. Donc, en fait, j'essaie de les amener à réfléchir, à trouver des réponses, et à se rendre compte par eux-mêmes ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Jamais de la vie, je me permettrais de dire à un enfant, tout ce que ton coach te dit, c'est pas bon. Non. S'il te l'a dit, c'est que lui, dans sa sensibilité, dans sa manière de concevoir le football, c'est ce qu'il recherche. Ouais, exact. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose. Lui, dans sa manière de concevoir sa philosophie, c'est ce qu'il recherche. Après, il y a des principes de base qui sont universels, si on est d'accord. Moi, je peux pas arriver, en fait, et être, je vais pas dire virulent, mais arriver, et puis sur la séance, et mettre le garçon dans une position inconfortable. Parce qu'en fait, c'est toujours, en fait, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, je donne beaucoup parce que je me mets à la place des joueurs. J'aurais aimé avoir tout ça quand on était jeune, tu vois. Je sais pas pour toi, mais, à l'époque, quand on était petit, j'ai pas souvenir que. Enfin, je suis quasiment sûr, la pédagogie était pas la même. Ah, j'ai pas de très très bons souvenirs de mes séances d'entraînement entre 10, je dirais plus entre 8 et 14 ans. J'ai pas de très très bons souvenirs. Ah, mais tu vois, moi j'en garde quelques-uns et. En fait, c'est même pas que j'en garde quelques-uns, j'en ai très peu et je trouve pas ça normal, tu vois. Exact. Au contraire, je devrais avoir des trucs qui me disent « Ah ouais, ça, c'était intéressant. Ah, tu te rappelles quand il nous a dit ça ?» J'ai pas énormément de souvenirs d'arrêt flash, d'échange, tu vois. Ouais, exact. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs que j'ai eus, ils sont capables de me ressortir des choses que je leur ai dit. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, je donne beaucoup parce que j'aurais aimé avoir tout ça, tu vois. Et je veux pas mettre les joueurs... Je veux pas que les joueurs, ils aient la même expérience que moi, j'ai eue. Faut créer des émotions, c'est ça. Faut leur faire vivre une aventure. C'est super important. Mmh. C'est super important. Et comment tu t'y prends alors ? Important. C'est quoi ton petit secret là ? Comment toi tu t'y prends ? Comment je m'y prends pour ? Pour justement créer des émotions, faire vivre une aventure aux jeunes, lui c'est ça, lui créer des souvenirs, pas qu'il dit émotion va forcément induire probablement des souvenirs. C'est maintenant j'aurais plutôt envie de dire c'est quoi un peu ta philosophie actuelle maintenant quand on a fait un gros parcours entre tes différentes aventures, tes formations, les rencontres que t'as fait, quel est l'entraîneur que tu es actuellement? Est-ce que déjà il y a une question que j'aime bien poser, est-ce que tu es un éducateur ou un entraîneur ou un peu des deux, ou est-ce qu'il y a une différence? Je n'ai pas la réponse parfaite. Et comment toi tu t'y prends maintenant pour transmettre, pour quel est le pédagogue que tu es maintenant? Je me vois beaucoup plus comme un éducateur qu'un entraîneur. D'accord. Je me vois comme un éducateur. Pourquoi? Parce que j'aime être avec les catégories jeunes. Je considère qu'un entraîneur, il a plus forcément, enfin. Pour moi, le terme entraîneur, il n'est pas suffisant. Plutôt ça, je veux dire. Le terme entraîneur n'est pas suffisant. Tout entraîneur doit être éducateur à un moment donné aussi. puisqu'il y a une notion sociale, t'es dans un échange humain. Donc, t'es obligé d'être dans l'éducation. Même un adulte peut être encore éduqué sur certaines choses, tu vois. Donc, t'as une casquette d'entraîneur, mais t'as aussi une casquette d'éducateur qui, pour moi, est plus importante. Donc, je suis beaucoup plus dans l'éducation que dans l'entraînement. Parce que, encore une fois, je suis pas dans une notion où je t'ai dit, les joueurs, je suis là pour en faire des joueurs pros. Je suis là pour les éduquer à un sport collectif. Et à travers ce sport collectif, c'est ce qui va leur donner des valeurs et des principes à tous les... C'est ce que j'essaie de leur transmettre. Par des émotions, les émotions comment? Par des anecdotes que j'ai pu vivre. Par des événements que eux, je vais leur faire vivre. Voilà, sur des tournois, des sorties extérieures. Une manière de créer un maximum de souvenirs en commun qui leur appartiennent et qui n'appartiennent qu'à eux. Tu vois. C'est le meilleur moyen de créer des émotions. C'est qu'ils aient des souvenirs personnels qu'ils ne puissent partager qu'entre eux, tu vois. Comme ça, je vois la chose. Après, ma philosophie dans le jeu, en tant qu'entraîneur, elle est essentiellement basée sur le jeu. Basée sur le jeu, sur une envie d'aller vers... Une envie d'aller vers l'avant, c'est ça ? Ouais, d'aller vers l'avant, de mettre beaucoup de percussions, beaucoup d'agressivité. En fait, jouer avec le cœur, tu vois. D'accord. Percussion, c'est quoi ? Avec ballon ? C'est quoi de... Comment ? Quand tu dis percussion, c'est quoi ? C'est c'est quoi ? De conduite de balle, de progresser avec le ballon, de pas hésiter à gagner du terrain. De progresser avec le ballon, de pas hésiter à prendre des risques, de gagner du terrain. C'est ce que je recherche. Après, c'est une philosophie. Derrière, faut avoir les joueurs pour, tu vois. Mm-hmm. Et encore une fois, je suis sur des catégories jeunes. Actuellement, je m'occupe des U10 et des U12. Il faut être capable de leur apprendre un peu tout. Parce qu'aujourd'hui, si je me continue à leur apprendre que ça, ils vont pas rester avec moi toute leur vie, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut qu'eux aussi, ils soient capables de s'adapter. Peut-être que sur un match, il faudra être capable de jouer comme ça, mais sur un autre match, il faudra adapter une philosophie un peu plus différente, qui reste dans certains principes, mais avec des variables. Donc, pour ça, je te dis que moi, je me sens beaucoup plus éducateur qu'entraîneur. D'accord. Ok. Deux questions là qui me viennent, elles sont un peu liées parce que j'aime bien aussi justement dans ce podcast avoir des échanges sur le voyage. Bah, c'est d'où l'intérêt que ton parcours m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est le cas, mais est-ce que tu seras en mesure de me dire que tes différents voyages ont influencé, ont permis à l'entraîneur, à l'éducateur d'évoluer? Et également de faire un distinguo, est-ce que comment ces différents voyages ont permis à l'homme, à toi Adrien, d'évoluer? Vraiment, j'essaie de faire un distinguo entre ton aventure personnelle et puis le profil un peu plus professionnel, l'entraîneur. Écoute, d'un point de vue professionnel, comme je te l'ai dit, c'est le fait de te confronter à des cultures différentes, à devoir t'adapter au quotidien, d'échanger avec, comme je le fais avec toi, mais d'échanger avec des éducateurs d'autres pays qui ont une vision différente de la mienne, qui m'exposent leurs problèmes aussi à eux au quotidien. Derrière, derrière, tu prends tout ce qui est bon à prendre, en fait. Et puis, tu sais, tu le rajoutes, tu le mets dans ton petit sac d'expérience, comme dirait un des parents de joueurs que j'ai ici. T'as ta petite poche d'expérience, et puis tu prends tout et puis tu mets dedans, tu vois. Et clairement, ouais, ça m'a permis d'avoir beaucoup de recul aussi sur le sport. Où tu vois, quand t'es en Ile-de-France, t'es quand même dans l'urgence. T'es dans l'urgence dans le sens où... Ok, ouais, bien joué. Tu vois, t'es dans l'urgence où faut des résultats, t'as des présidents de club qui veulent des résultats, t'as les parents qui te mettent la pression, T'as un tel qui veut faire de son fils un joueur professionnel. C'est la guerre en région parisienne. Tu vois, c'est la guerre. Toi encore plus que moi, parce que t'es dans le 93. Donc, tu sais comment ça se passe. Tu vois. Tu sais comment ça se passe. Mais moi, ça m'a permis de prendre du recul. Et de te rendre compte qu'au final, avant toute chose, ça reste un sport. Et que, à travers ce sport, nous sommes avant tout des éducateurs. Et que les enfants passent avant ton plaisir personnel. Pour ça, tu vois, on en revient à ce que tu me disais tout à l'heure, où t'as l'impression que j'ai donné beaucoup de cœur à l'ouvrage dans ce que j'ai fait. C'est aussi par rapport à ça. Le joueur passe avant tout. Le joueur passe avant tout. L'équipe passe avant le joueur. Mais surtout, l'équipe et les joueurs passent avant toi, avant l'entraîneur, tu vois. Et ça, en tant que, d'un point de vue professionnel, c'est ce que ça m'a apporté. Ça m'a appris à continuer à donner, à prendre du recul, à moins être sur le résultat. Tu vois, parce qu'au final, à travers ces expériences, j'ai été à la fois dans la formation des joueurs, mais j'ai aussi formé des coachs à l'étranger. À la philosophie qu'on avait à la PSG Academy. Donc j'ai échangé avec des personnes, tu vois, je pense pas pouvoir le faire en France. Pourquoi? Parce que en France, t'as beaucoup de coachs qui ont énormément d'ego. Qui ont énormément d'ego, qui, je pense, regardent un petit peu trop la télé aussi par moment, et qui se voient déjà sur un banc de Ligue 1. C'est intéressant. T'as pas eu ce... Ah, je suis désolé de te couper, ça m'intéresse, mais tu pourras continuer, mais t'as eu cette sensation également en Angleterre, ou non, pas nécessairement, dans un autre pays de foot? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout, et justement, ça, c'est là où je me dis que c'est fou, quand même. Parce que j'étais en Angleterre, j'étais avec un coach qui avait entraîné... Où est-ce qu'il avait entraîné, déjà? Je crois qu'il avait entraîné à Middlesbrough, mais je doute. Ok, peut-être de la Ligue. En tout cas, je sais qu'il avait été dans un club pro. D'accord. Il était plus vieux que moi. À cette époque-là, j'avais pas encore mon UFAB, lui l'avait déjà. Donc au final, il avait un peu plus d'expérience que moi. Mais il arrivait avec moi sur le stage en Angleterre. Et il me posait énormément de questions. C'est ouf, ouais. Il était curieux d'apprendre comme si c'était un enfant, tu vois. Ouais. Et comme si moi, j'avais un savoir que lui avait besoin de connaître. On était sur le même piédestal, tu vois. Alors que en France, je vais vouloir parler avec un coach, il va me vouloir me sortir toute sa science ou... Enfin, je sais comment ça va se passer, tu vois. Je sais déjà comment ça va se passer. Ouais, tu sens que la discussion n'est pas saine, tu vois. D'accord. Il y a un rapport de position. J'étais en Angleterre, j'ai pas eu ce problème. J'ai été en Floride. Genre en Floride, j'ai discuté avec Wanyu Eloa. Avec Wanyu Eloa. Il a joué avec l'attaquant, exact. Ouais. Ouais, parce que c'est lui le directeur technique de l'académie en Floride. Ah, intéressant, ok. Enfin, je crois qu'il a pris un peu de recul maintenant, mais je sais qu'il est toujours sur l'académie. Mais avec lui, j'avais des discussions, elles étaient saines, tu vois. Mais encore une fois, parce que tu parles avec des personnes qui ont vécu des choses à un certain niveau. D'accord. Qui ont aussi un peu de recul sur les choses aussi, tu vois. Mais, tu sais, j'ai pu échanger avec Dembaba aussi, niveau football, enfin. Et tous ces mecs-là, j'ai discuté avec eux, et la discussion, elle a été bienveillante, tu vois, des deux côtés. Parce que quand j'ai parlé avec Dembaba, lui était sur son projet là, puisqu'il a monté une franchise à San Diego. D'accord. Il a monté une franchise à San Diego, donc il a sa franchise à San Diego. Donc pareil, lui, comme il était encore joueur à l'époque, il y a des choses en tant que... Quand tu passes à l'extérieur du terrain, quand tu es sur le banc, c'est différent, tu vois, dans la gestion. C'était nouveau pour lui aussi, tu vois. Même s'il a des coachs en place dans sa franchise. Mais lui aussi, il a envie de s'investir, tu vois, là-dedans. Donc la discussion a été bienveillante, tu vois. Lui me faisait part de son expérience, de comment il voyait les choses. Et moi, je lui disais aussi comment je vois les choses à mon niveau, tu vois. Et en fait, c'est tous ces échanges-là qui font qu'aujourd'hui, je prends beaucoup de recul sur mon rôle en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur. Parce que j'ai pu échanger à la fois avec des joueurs d'un peu partout dans le monde, changer avec des coachs, pareil, hein, voilà, dans les différents pays où je me suis déplacé. Et en tant qu'homme, ça te permet aussi de sortir un peu de... Sortir de son confort, hein. On en revient à la même chose toujours. Sortir de son confort et l'aventure, le propre de l'être humain, c'est de progresser en étant en difficulté. Hein. C'est en situation de difficulté que l'être humain progresse. Si tu restes dans ton confort, tu progresses pas et t'avances pas. Dans l'adversité. Dans l'adversité et dans l'inconnu, surtout aussi. Mmh. Dans l'adversité et dans l'inconnu. C'est même, je crois que c'est même Thierry Henry qui le disait dans son interview sur Canal. Et tu mets... Alors tu mets un mec, je te dis une bêtise, il l'a pas dit comme ça, mais en gros tu mets un mec dans une forêt, tu le laisses tout seul, il va falloir qu'il se débrouille par lui-même, tu vois. Mmh. Il va falloir qu'il s'adapte. Ouais. Et il va s'adapter et ça va le faire grandir. Mmh. Là c'est pareil. Moi je suis sorti de mon petit confort parisien, partir un peu me balader et tu côtoies du monde un peu partout. Tu te mets aussi en danger parce que... Des fois, tu sais, j'étais en partance pour m'installer dans différents pays, parce qu'avant d'aller au Canada, il y a plusieurs pays où ça a été un échec, hein, où je devais m'installer. Je devais m'installer en Égypte, ça, c'était pas fait. À un moment donné, on avait parlé d'un projet en Jordanie. C'est le projet où j'ai eu le plus peur de ma vie, je crois. J'étais pas, j'y suis pas allé, mais juste le fait de me dire que je serais tout seul là-bas. Tu vois, je me suis dit là, il va falloir être costaud, tu vois. D'accord, ok. Mais finalement, ça s'est pas fait. Mais malgré tout, tu vois, juste d'imaginer y être, mm-hmm. ça te fait grandir parce que je m'étais préparé. Mentalement, j'étais prêt, tu vois. D'accord. J'étais prêt à partir. Donc ça te forge aussi un mental. Mm-hmm. Et donc, je te dis, en tant qu'homme, ça peut te faire que grandir. Ça peut te faire que grandir. J'ai appris beaucoup de choses. Ça te permet aussi d'être beaucoup plus. À preuve de beaucoup d'humilité, tu vois. Parce que des fois, tu te dis, ouais, que toi, c'est compliqué, mais tu rencontres des gens pour qui c'est encore plus compliqué. L'envie de tous les jours, c'est, nous, on est là. T'en as beaucoup en France qui souhaitent vivre en tant qu'éducateur, être rémunéré. On se dit, c'est compliqué, mais t'as des pays où les mecs, ils sont en situation encore pire que nous. Quand tu vois que certains, ils sont pas contents pour les défraiements qu'ils vont toucher en région parisienne, moi j'ai vu des mecs à Miami, c'était très grave ce qu'ils vivaient, tu vois. Les conditions de travail, les conditions de travail, bah, tu sais, dans un pays capitaliste, c'est-à-dire que tu fais des heures comme pas possible, mais pays de misère, tu vois. Et puis si on n'a pas envie de te payer, on te paye pas puisqu'il n'y a pas de contrat. Ok, ouais. Et ça, je l'ai vu à Miami, mais je l'ai vu à... J'ai plein d'amis qui sont sur les États-Unis qui l'ont vécu aussi, hein, que ce soit sur New York, un peu partout. Fin. Et à un moment donné, il y a des pays où c'est plus compliqué qu'en France, tu vois. C'est l'expression, hein, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. C'est exactement ça. En plus, on parle de football, donc football-herbe, ça va ensemble. Mais sauf en Angleterre. Sauf en Angleterre. Là, t'es sur des billards. Mais voilà, je t'ai dit, ça te fait grandir en tant qu'éducateur, en tant qu'homme. Et je t'ai dit, ça t'apprend à. Ça, en fait, ça te met une claque. Ça te met une bonne claque, tu vois. Faut-il encore prendre le risque d'aller voir un peu ailleurs, ouais. Et ouais, et moi, tu vois, je suis prêt, et comme je te l'ai dit, je suis prêt encore à bouger et à voir ce qui se passe. Mmh. Je suis prêt à bouger à voir ce qui se passe parce que je pense que le football là, se pratique de manière différente partout dans le monde. Mmh. D'accord, ok. Justement, on s'approche un peu de la fin là par rapport à ce que j'ai prévu. Il me reste. Deux très grosses questions. Là, tu es en train, t'as fait le. J'aime beaucoup quand mon interlocuteur, en l'occurrence toi, Adrien, là, tu es en train de faire le lien avec ce que je souhaitais aborder. Donc, ça, c'est cool. Tu me fais la transition comme ça. Tu me dis, bah, je veux continuer à aller voir ailleurs un peu comment ça se passe. Je veux continuer à probablement à voyager, à voir un peu le foot un peu ailleurs. Donc mes deux dernières, enfin déjà là, il me reste deux questions. La première, ce serait comment. Elle est large, elle est libre. Comment tu continues de progresser? Donc j'ai un peu compris, bah c'est ça, c'est un peu la rencontre des gens, les échanges et tout ça. Mais là, elle peut être encore plus lâche. Pourquoi je la pose, c'est parce que pour moi aussi, si ça peut, il peut y avoir des petites astuces intéressantes pour moi. Comment toi, Adrien, à travers tous ces voyages, tu continues de progresser? Est-ce qu'il y a des formations, il y a des livres, il y a du contenu sur Internet? Voilà, ma question, elle est large. Alors, comment je continue de progresser? Donc, tout d'abord, à travers les échanges, comme je te l'ai dit, que ce soit avec des éducateurs à l'étranger, ailleurs qu'en France, ou avec des éducateurs en France, avec qui je peux échanger énormément dès que j'ai des interrogations. J'échange beaucoup aussi avec Sacha, qui est encore au Canada. Donc, lui qui a ouvert toutes les académies. PSG, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui lui aussi, hein, comme voilà, il est plus vieux que moi, il a vu encore plus de choses que moi à travers le monde. Donc il a encore plus de recul que moi sur certaines choses. Donc j'échange beaucoup aussi avec lui quand des choses que j'ai du mal à comprendre, sur mon adaptabilité sur le terrain, sur des problèmes, voilà, que je rencontre, je peux échanger aussi avec lui. À travers de lectures aussi, tu vois, j'essaye, alors pas uniquement de lire uniquement des livres liés au football, mais je vais lire aussi des livres sur la psychologie de l'enfant. Par exemple, il y aurait deux, trois livres là que tu as lu récemment que tu pourrais conseiller, que tu pourrais me conseiller. Là, il y a un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. D'accord, ok. Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Ah Je crois que oui, eh oui, je sais pas si t'as entendu parler. bien sûr, Céline Alvarez, bien sûr. Voilà. Donc en fait, qui avait décidé de monter un programme sur une école à Genneville. Non, c'était pas Genneville. Nouvelle forme de pédagogie, c'est ça? Voilà, ça c'est une nouvelle forme de pédagogie. Oui. Je sais Par plus. Je sais plus. l'auto-appropriation, l'auto-découverte par soi-même. Exactement, qui ressemblait un peu aussi Montessori, à ce qu'ils oui. sont en train de faire dans le football avec le biobending, tu vois, où les D'accord. enfants n'étaient pas regroupés par un d'âge, Mais mais par par un niveau. poids, par niveau, ouais. Tu vois. Exact, biobending. Donc ça, franchement, c'est un livre que je peux conseiller. Parce que ça te D'accord. permet, après, derrière, d'essayer de mettre en place des choses sur le terrain où, justement, les garçons sont en auto-adaptation. Ah, découverte par soi-même, exact. Après, c'est des autobiographies d'entraîneurs, hein, où tu apprends aussi des choses, hein. Que ce soit celle de Pep Guardiola, celle d'Ancelotti, de Bielsa. Il y a un livre aussi qui est très intéressant, par contre, il est en anglais, sur Bergkamp, Ah, sur ok. la notion de temps et d'espace. Ah, l'Ajax d'Amsterdam. Moi, faut savoir que Bergkamp, c'est mon joueur préféré. D'accord. Donc ouais, c'est un livre qui est en anglais. Faut que je te retrouve le nom. Je crois qu'il s'appelle Stillness and Speed, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Je crois que c'est ça, mais j'ai un petit doute dessus. D'accord. Donc ça raconte un peu l'histoire de ça. Enfin, ça raconte l'histoire de Bergkamp. Après, il y a quoi d'autre? Après, tu regardes aussi des contenus vidéo, tu vois. Tu vas chercher des séances d'entraînement. Aujourd'hui, on a une source de D'informations, de source connaissances d'information accessibles, et c'est incroyable. qui accessible, qui est énorme, tu vois. Absolument. Demain, je vais voir une séance de, je sais pas, je te dis une bêtise, mais ce qui se fait au Japon, je peux en trouver une, tu vois. Exactement. Et c'est aussi ce que j'aime, ce que je conseille à tous les éducateurs, c'est de d'être curieux. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre tous les jours on doit se former, tu vois. Tous les jours, chaque jour est différent et chaque jour on doit s'adapter de manière différente. t'es pas sans savoir que d'une séance à l'autre, bah, c'est jamais la même chose. Donc t'es toujours dans l'adaptation. Donc voilà, pour progresser, je t'ai dit, moi c'est de la lecture, beaucoup d'échanges. Et j'essaye aussi de me déplacer sur des séances d'entraînement d'autres clubs ici, pour voir un peu justement, pour connaître la culture. C'est important pour ceux qui voyagent, mais d'aller voir ce qui se fait dans les clubs, pour comprendre un peu la culture du foot dans les pays où ils sont installés, pour ensuite ben, voir ce qu'il y a de bon à prendre et l'intégrer à ses principes, éducateurs. Okay. Voilà, je pense que je t'ai plus ou moins tout dit sur ma manière de progresser. Ouais, merci. D'accord. Du coup, j'arrive à ma dernière question. Je pense dans les podcasts, t'es celui qui a pas hésité. C'est là, ça, je serais capable de commencer à comparer un peu les échanges que j'ai. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise, mais t'es probablement la personne qui a cité le plus de personnes, vraiment nom, prénom, et qui t'en souvient très bien. Et justement, qui ont à chaque fois eu quasiment un impact sur ton parcours. Et ma question, c'est Adrien, est-ce que sur ton parcours, il y a eu des mentors? J'ai l'impression que c'est possible que oui. Et quel impact ils ont eu sur ton parcours d'homme et ton parcours d'éducateur? J'ai eu des mentors. Celui qui sera toujours présent, il s'appelle Manuel Fongarnant. Donc lui, il a entraîné aussi dans le 15e à l'ESC 15 dans un autre club, puis à Châtillon, puis ensuite à la CP 15. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus vieux que moi, parce qu'en fait c'est le père d'un de mes meilleurs amis. Et c'est vrai que lui a toujours été très bon conseil, tu vois. Parce qu'il a commencé à me suivre en tant qu'éducateur quand je suis arrivé à la CP 15, à suivre un peu ce que je faisais. Donc c'est vrai que depuis 2013, c'est quelqu'un sur qui j'ai toujours pu m'appuyer, tu vois. Parce qu'il avait des grosses connaissances. Il connaissait un peu, voilà, il connaissait pas mal de monde sur la CBB, par exemple. Donc il avait l'habitude d'être confronté aussi à ce qui se faisait un peu au niveau élite, on va dire. Et d'avoir un vrai comparatif entre ce qui se fait de mieux, entre guillemets, et le niveau vraiment amateur où t'es dans de l'apprentissage pour les plus jeunes. C'est vrai qu'il a toujours été de bons conseils, toujours été bienveillant, il a toujours su il a toujours eu les mots justes. Donc c'est vrai que Manuel Fongarnant, ça reste un mentor pour moi. Celui qui m'a poussé à être éducateur, c'est Nicolas Franceschi et Céline Moulineau. Lui aussi, je pense que c'est quelqu'un de très important pour moi aussi. Parce que pareil, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, on est toujours en contact. Et puis après, je te dirais qu'il y a eu... il y en a au moins 4 ou 5, tu vois. J'ai cité Manu Fongarnant, je t'ai cité Nicolas Franceschi, je pourrais te citer Mehdi Bouabidi, qui lui est beaucoup plus jeune, mais qui m'a appris beaucoup de choses aussi. Parce que ça a été quelqu'un avec qui j'ai bossé à la CP15 pendant un an, mais il m'a appris aussi beaucoup de choses. Et aujourd'hui encore, il fait partie de ma vie, on va dire. J'ai eu qui d'autre encore? Sacha Lisambard, du PSG, avec qui j'ai débuté à l'académie. C'est la première personne que j'ai rencontrée à l'académie PSG. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a poussé pour que je revienne. Pour que je revienne à Montréal. Je pense que j'ai fait le tour sur les personnes qui m'ont le plus accompagné dans mon rôle d'éducateur et qui m'ont servi d'exemple, qui qui m'ont servi d'exemple pour avancer dans, bah, jusqu'à aujourd'hui, être l'éducateur et l'homme que je suis aujourd'hui, en tout cas au niveau du foot. C'est les personnes, je t'ai dit, qui m'ont vraiment le plus marqué. J'aurais pu te dire Jean-Claude Anctil, mais au final, j'ai pas passé assez de temps avec lui, tu vois. D'accord, ouais, c'est ce que je pensais. Je trouve ça dommage. Mm-hmm. Mais on n'a pas travaillé assez longtemps ensemble. Tu vois, j'ai travaillé quoi, 5-6 mois avec lui. Même si j'ai appris beaucoup de choses en 5-6 mois, tu vois. Je pense qu'il a encore énormément de choses à m'apprendre. Et le peu de fois où on se croisait en dehors du terrain ou au bord d'autres terrains, tu vois, comme je t'ai dit, j'aime balader sur les terrains et on pouvait se croiser. Bah, pareil, des fois on restait à discuter pendant 1 heure, 2 heures et on se trouvait tous les deux en retard parce qu'on avait d'autres choses à faire, tu vois. Mais je pense que t'as remarqué, je suis quelqu'un, vas-y, avec qui les échanges, ça peut durer des heures. Ouais, ça peut durer des heures. Bah, je ne le savais pas. J'en ai un que j'ai pas cité, mais il faut que je cite, c'est Pascal Lacroix aussi, qui est en Isère maintenant, et qui avait bossé à la CP15 aussi, qui a fait partie des responsables écoles de foot qui ont été présents à la CP15. Et lui, pareil, lui, pour le coup, c'est lui qui m'a vraiment appris l'importance des émotions. L'importance des émotions du joueur. Vas-y, tu peux y aller. L'importance de l'aspect cognitif, tu vois, de rentrer dans la tête des joueurs, d'être dans l'adaptabilité du joueur. Tu vois ce que je te disais sur Céline Alvarez, bah, c'est lui le premier à m'avoir un peu mis dedans, tu vois. Où il mettait en place beaucoup de jeux un peu en dehors du terrain. C'est des jeux de groupe, tu vois. Pour créer de la cohésion dans un groupe. Et c'est lui le premier à m'avoir amené là-dessus, tu vois. Donc, je pense que là-dessus, voilà, je t'ai donné un peu tous mes mentors. Alors, tu vois, t'as des, je pense, hein, après, c'est mon avis, mais je pense que t'as des éducateurs qui t'auraient sorti des mentors, des entraîneurs professionnels. Moi, c'est pas le cas parce que je considère que je reste sur un foot amateur, je reste sur de la formation. Alors oui, tu peux prendre ce qu'il y a de bon chez les grands entraîneurs. Mais je pense que les personnes qui te marquent le plus, c'est les personnes avec qui tu as travaillé. C'est pour ça que moi, je t'ai cité uniquement des personnes que j'ai côtoyées durant mon parcours. C'est parfait, Adrien. C'est parfait. À un moment donné, il faut clôturer, hein. C'est vrai, on pourrait continuer encore longtemps. Ouais, non, je pourrais continuer encore longtemps. Je pense que tu as compris que de toute façon, j'ai toujours des questions et je suis content que... Pourquoi je pose cette question aussi, c'est parce que je me sers aussi du podcast pour progresser, finalement. Je trouve que je voulais, à travers mes voyages, trouver un moyen de pouvoir continuer à créer du lien et à continuer à avoir du lien et à continuer à apprendre. Et du coup, bah, merci beaucoup de cette transparence, de cette bienveillance à donner, à être généreux, parce que effectivement, en voyageant, je ne l'ai pas rencontré partout, et je suis content de rencontrer des personnes comme toi qui partagent justement ces valeurs, et c'est pas partout et c'est pas tout le temps, et je me rends compte parfois que poser des questions, tout le monde n'ose pas donner comme ça, et c'est une richesse, et je suis content que tu partages ce même sentiment, donc merci encore. Moi, merci à toi encore une fois d'avoir pensé à moi. Comme je t'ai dit, moi ça me fait plaisir. Faut qu'on s'entraide, surtout en cette période, tu vois. Complètement. Malheureusement ça tombe à pic, on va dire, mais voilà, l'entraide entre chacun est importante. Et en tant qu'éducateur, faut qu'on soit dans le partage. Ah, mais 2h20 de foot comme ça dans un environnement où j'ai moi, ça fait déjà 2 mois que j'ai pas entraîné, je peux te dire que c'est un kiff. Ouais, j'imagine, ça fait 2 mois déjà que t'entraînes pas, toi. Ouais, non, c'est ça. Donc c'est le contexte. J'espère dans à peu près un mois que ça va revenir, mais voilà, même Ah, si c'est. putain. Parce que nous, on est bloqué jusqu'au 1er mai, là. Je sais, c'est pour ça que. Ouais, non, j'essaye là de continuer à me former, d'apprendre, de récolter. Là, c'est. Moi, je te souhaite évidemment excellente continuation. De toute façon, Merci, toi aussi. je suis content de m'être servi du podcast comme pour créer du lien avec toi et pour prendre connaissance de ce riche parcours. Ouais, et puis comme je t'ai dit, hein, si jamais tu veux échanger, tu m'envoies un message, on s'appelle, enfin voilà. Ah Ou bah dans un là, c'est futur, il ne faut parti pas là. qu'on hésite. Il ne faut pas qu'on Exactement. hésite. Alors là, avec un grand, grand plaisir. Qu'est-ce que. Non, je ne sais à chaque fois comment pas clôturer, mais là peut-être que. Mais c'est. Non, merci beaucoup, merci de ton temps. Et effectivement, on reste en contact. Et c'est ça. Dans tous les cas, bah, là, je parle, mais je pense que je vais arrêter je pense que je vais arrêter l'enregistrement, à moins que tu voulais partager peut-être un dernier truc que j'aurais oublié. Non, petit mot de la fin si tu veux, mais Ouais, je t'en prie, ouais. non, ce que je peux dire pour les personnes qui écouteront ce podcast, c'est Avec grand voilà, plaisir. Ouais. comme je te l'ai dit, soyez curieux, soyez bienveillants, soyez dans l'entraide entre éducateurs, puisque personne ne détient la science infuse, et c'est dans le partage qu'on progressera tous. Et je pense que c'est le plus important dans le sport, comme je l'ai dit, c'est l'entraide. C'est un sport collectif. On est ensemble pour les bons et les mauvais moments. Et donc, il faut partager. Le sport collectif est un partage. Donc, entre éducateurs, nous sommes aussi, nous avons du lien aussi entre éducateurs, puisqu'on crée des réseaux. Donc, il faut être capable de partager aussi, nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà ce que je dirais pour finir. Adaptabilité, bienveillance, partage. J'ai l'impression. Je pense que Exactement. je vais mettre ça comme titre du podcast. C'est bon, tu m'as inspiré. Ces mots sont revenus et c'est fou parce que c'est quasiment les trois valeurs que je prône, pas depuis mon existence, mais actuellement, au point où j'en suis rendu dans ma vie. C'est marrant parce que c'est quasiment trois valeurs que je partage. Bref. Donc, ouais, je pense que peut-être que ça fera partie du titre du podcast. Super, super. Ok, merci beaucoup. Vous l'aurez probablement remarqué, que ce soit pour Adrien ou pour moi, nous aurions pu volontiers continuer, mais il n'y a pas d'intérêt à cela et il y a bien une fin à tout. Merci beaucoup à Adrien pour son temps. La démarche est évidemment généreuse, c'est-à-dire que si l'intégralité de l'épisode vous a convenu, j'en suis ravi. Si vous avez été en description de l'épisode pour aller piocher quelques moments seulement, eh bien j'en suis tout de même ravi. Si vous avez encore quelques minutes pour me partager des bons et des moins bons retours, n'hésitez pas à le faire en commentaire sur iTunes ou alors directement sur footballagogie@gmail.com. Je serai ravi de pouvoir échanger avec quiconque, que ce soit de football ou de podcast et même d'autres choses, parce que toutes les idées pour améliorer ce contenu sont les bienvenues. N'hésitez pas également à partager autour de vous son contenu si vous pensez que cela peut inspirer ou intéresser une autre personne. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Pas de voyage, pas d'avion, seulement un flashback pour moi. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt et comme vous le savez, prenez soin de vous.